sait faire ça, jouer dans la grande salle de la Philharmonie, en France, à l'étranger, mais aussi dans des salles dédiées à d'autres types de spectacles. Il suit ses envies et refuse les diktats d'un milieu qui a tôt fait d'en imposer. Lui, il mêle les styles avec goût et finesse. Son album Inspiration vient de paraître chez Aparté. On a envie de vous dire merci Romain et merci Charlotte. On a passé un excellent moment avec Romain Leleu. N'est-ce pas ? Allez, à tout de suite. RTL 9h27. Tu sais Loïc, j'ai eu un déclic. J'ai acheté 30 secondes de pub sur RTL pour ma petite start-up sans avenir, comme tu disais. Et déclic, j'en ai eu un max. J'ai triplé les commandes. Vous aussi communiquez sur RTL. Rendez-vous sur radiofacile.fr. Radiofacile.fr. Maman, j'ai une amie dont la mère commence à avoir des soucis de santé. Elle perd son autonomie et financièrement, c'est pas simple. Moi, je sais pas comment je ferai. Où veux-tu en venir ? Nulle part. Mais moi, ça peut pas m'arriver. Hmm ? T'inquiète pas, ma chérie. J'ai souscrit une garantie dépendance chez Harmonie Mutuelle. Oh, tu penses à tout, maman. Chez Harmonie Mutuelle, notre garantie dépendance vous permet de ne pas être financièrement à la charge de vos proches en cas de perte d'autonomie. Harmonie Mutuelle, première mutuelle santé de France. Il n'y a plus de café et les biscuits, fouf, disparus. Ah, mais les enfants sont de retour. Mais chez Carrefour, jusqu'à dimanche, il y a 5 euros en bon d'achat par tranche de 15 euros sur plein de produits du petit déjeuner et du goûter. Café, céréales, biscuits. Ah, il reste une biscotte. Jusqu'à dimanche, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, profitez de 5 euros en bon d'achat par tranche de 15 euros d'achat sur tous les produits du petit déjeuner et du goûter au rayon épicerie. Bon d'achat valable du 5 au 18 septembre sur tous les magasins. Conditions magasins participants et ouvert dimanche sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Carrefour. Aujourd'hui, c'est Antoine de Cannes qui ne revient pas d'avoir des bons à parier offerts. C'est pas vrai ! Oh yes ! Yes ! Yes ! Mais oui, Antoine, pour la rentrée, pendant les jours 100% gagnants, votre bon à parier est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Du 2 au 11 septembre, pour tout quintet plus de 6 euros minimum joué sur la course du jour, PMU vous offre un bon à parier d'une valeur de 2, 4 ou 10 euros, valable sur le quintet plus du lendemain. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi. Vous savez quoi, on avait envie de terminer cette émission avec Barbara Streisand et son amie Anne Hathaway, voilà, une dernière fois. Ça, c'est Jamie, là. Vous plaisantez. Vous voulez mes lunettes? Bon, alors je vais remettre mon commentaire dans ma poche et puis je vais aller me coucher, je ne sais pas quoi vous dire là. Si, qu'on a rendez-vous avec François Ozon et Pierre Ninet pour une émission lundi consacrée au cinéma. Vous me rappelez le titre du film ? France, c'est aussi simple que ça. Et qu'on sera donc très heureux de vous retrouver à cette occasion. Il faut être assez fort quand même parce que... confondre ni Fox et Anne Hathaway. On n'a plus qu'à dire bonjour à Julien Courbet. Bah oui, et moi c'est ni Barbara Streisand ni Anne Hathaway qui est à mes côtés. Non. C'est Gilbert Montagnier, monsieur. Bonjour Yves. Bonjour cher Gilbert, comment allez-vous ? Gilbert. Il est notre invité, il va téléphoner, il va régler les problèmes le Gilbert. Absolument, il sait tout faire. On va tout faire qu'il pour. Va être efficace ce Gilbert. On va tout faire pour, en tout cas ça me fait plaisir de vous entendre Yves. Et ceci étant dit, allez quand même vous coucher. Je vous souhaite une bonne journée. On n'a pas le droit de confondre Anne Hathaway et Jamie Foxx. Bon, faut écouter. Ah bah, attends. Ça dépend dans quelles circonstances. Il y a des moments où vous pouvez les confondre, ça ne porte pas. Mais non, moi... mais c'était pas dans le noir, je vous assure. Choisir, oui, ah, bah, très bien. Ça, alors, faites ça bien de rajouter ça en plus. Allez, je vous souhaite une bonne journée. On va rester là. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Allez, bonne journée. Yeah. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct sur l'antenne d'RTL. Mon invité, monsieur Gilbert. Mais quelle ambiance! Même à droite, j'ai monsieur Julien Courbet. Attendez, je suis pas venu pour rien. Quel avocat! Tu sais que je suis venu pour participer vraiment. Ah, bah attendez, il manquait plus que ça. Il n'est pas là pour. Non. Ouais, pour faire plante verte. Ah bah, bien au contraire, pas. C'est lui qui va négocier avec nous. Il y a alors Gilbert Maître Novakovic Lagrange. Ah, yeah! Bonjour à tous! Qui est ravi de te rencontrer. Moi aussi, ça fait plaisir. Nathalie Fellono, l'avocate. Ah, bonjour à tous! Et le négociateur, parce qu'il faut, tu vas voir, ça négocie hors antenne. Mais on essaie de tout mettre à l'antenne, mais c'est beaucoup de négociations. conversations, beaucoup de palabres pour arriver à régler les problèmes. Hervé Pouchol est là, que tu connais bien. Ah ben Hervé Pouchol, le mieux. Bonjour Gilbert, bonjour à tous. Ça va Hervé, ça va bien. Alors, ça va bien. C'est d'accord, vrai qu'il d'accord. est du sud-ouest. Ben oui, bien sûr. Il y a un maire désespéré, Gilbert, qui nous a appelé. Écoute le petit message qu'il nous a laissé sur le 3210 du 9h30 11h. On l'écoute. Je ne sais plus quoi faire, c'est un appel d'urgence. Je suis le maire d'un village où près de 200 habitants n'ont plus de téléphone ni de connexion Internet depuis juin. Les trois opérateurs sont défaillants et rien n'avance. Et monsieur là, le maire, ouais. C'est un sujet qui me touche beaucoup parce que moi, je suis passionné des télécommunications. Tu sais que j'ai monté le dossier moi-même, le dossier ADSL, dans mon petit village de l'Allier. Le maire, un jour, m'a dit, écoute, moi, j'y comprends rien, occupe-t'en. Ben, j'ai contacté France Télécom et puis on a monté le dossier ADSL. Alors, j'ai fait une réunion en mairie, moi qui ne suis rien, moi qui n'étais rien. Voilà, qu'aujourd'hui, j'ai l'ADSL. Et alors, en mairie, j'aurais dit, je comprends très bien que vous n'avez rien à foutre de l'ADSL, mais moi, je vais vous expliquer maintenant. Imaginez que vous ayez je sois représentant de chauffe-eau et avant je serais venu chez vous il y a 40 ans et je vous aurais dit voilà, je vous propose un chauffe-eau, vous auriez dit, oh ben laisse-moi donc tranquille, on fait l'eau, on l'a fait chauffer. Et bien maintenant je reviens et je reprends le chauffe-eau, vous me le donnez? Ah ben non. Et ben voilà. Et ils ont tous adhéré et tout le village maintenant est ADSL. Je sais pas s'ils ont adhéré ou s'ils ont compris l'explication parce que personnellement j'ai pas bien compris moi. C'est ça. En fait, ils ont dit donnez-lui parce que sinon il va pas donnez-lui son ADSL, il va nous laisser tranquille. Ben, voilà. Bon, Pierre, monsieur le maire, comment allez-vous? Oui, bonjour, ça va bien. Bonjour Julien. Monsieur le maire, on va aller vraiment à l'essentiel. Qu'est-ce qu'il y a là, au moment où je vous parle, à 9h33, qui a le téléphone, qui a Internet, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les conséquences? Donc les conséquences aujourd'hui, c'est que le SFR ne passe plus du tout sur notre commune. Oui. Et les entreprises m'appellent constamment, et les habitants de la commune, pour me demander d'agir. Donc j'ai appelé le 10-23 à maintes reprises, rien n'a bougé. J'ai donc fini par appeler le conseil départemental de l'Orne qui m'a donné quelques résultats, mais sans rien du tout. J'ai eu avant-hier le responsable de Orange qui devait me rappeler le lendemain, donc hier, qui ne m'a pas rappelé. Et donc certains habitants ont pris le taureau par les cornes, si on peut dire, pour appeler Julien Courbet pour essayer de trouver une solution avec SFR. Pierre, Gilbert vous pose une question. Montagnier, mais prioritaire. C'est Gilbert Montagnier. Bonjour Pierre. Bonjour. Moi, je vous appelle Pierre. Écoutez-moi, oui, vous avez raison. Alors, Pierre, la bonne nouvelle, c'est que on va tout faire pour, avec toute l'équipe et surtout Julien, bien sûr. Et on va y arriver. On va y arriver. Oui. Alors, Pierre, la question qu'on se pose, c'est quelles sont les conséquences? Les professionnels ont du mal à travailler. Nathalie, vous en savez plus. Les professionnels ont beaucoup de mal à travailler et donc commencent à changer d'opérateur. Ah oui, bien sûr. Donc, j'ai une entreprise très importante sur ma commune qui a 80 personnes environ. Qui en ont eu marre, ils sont partis chez Orange, l'entreprise TTA, pour ne pas le nommer. Ah, un petit exemple, la coiffeuse. Sandrine est en ligne avec nous. Non, c'est une commerçante, elle n'est pas du tout coiffeuse. Bonjour, c'est une des habitantes de Jouet-du-Bois. Françoise? Oui. Ah, oui, bonjour. Voilà. Donc, vous avez changé de voix, Françoise. Alors, c'est Françoise qui est en ligne avec nous? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites-vous dans la vie, vous, Françoise-Marie? Moi, je suis à la retraite. Alors, en quoi ça vous... Ça, c'est bien, mais en quoi ça vous pose de gros problèmes? Ben, ça pose des problèmes parce que j'ai un compagnon qui travaille, qui est souvent en déplacement et qui peut pas me joindre. Et puis, les messages, on les lit lorsqu'on sort parce qu'on peut pas les avoir. La semaine dernière, on est allé dans une boutique SFR qui a finalement nous a dit de mettre en 2G. Donc, c'est mieux. Mais c'est pas ça quoi. On peut pas envoyer de SMS, on peut pas envoyer de MMS. Non, mais c'est une véritable geek la Françoise. Bonjour Françoise, c'est Gilbert Montagnier. Françoise, comme son compagnon. Bonjour Monsieur Montagnier. Et toujours sur la route, elle doit lui envoyer des photos d'elle pour le faire patienter. En 2G, il y a plus la netteté. On est d'accord Françoise. C'est chaud. Bon. Tout à fait. Allez Marie. Ce qu'il faut savoir Julien, c'est qu'on avait plein de témoins, mais les téléphones ne passent pas. Donc j'ai essayé tous les numéros ce matin et on a eu Françoise. C'est ça, c'est qu'on avait toute une liste de gens qui devaient témoigner. Ça passe pas. Bon, monsieur le maire. Ah, bah non. Juste un petit point. Moi, je suis pas dans la commune, là. Je suis en dehors. C'est une erreur. Il faut aller habiter à Jouet-du-Bois. Donc, on rappelle le principe. Je m'adresse aux avocats. Il y a des gros tuyaux dans ces tuyaux qui appartiennent, Maître Fellonoa. Orange. Et c'est la propriété d'Orange, effectivement. SFR, oui. Et alors, non, Orange donc a l'obligation de les entretenir et ensuite permet à des opérateurs de se connecter. C'est le dégroupage, justement, qu'on appelle, qu'on connaît tous ce terme depuis quelques années et qui permet à d'autres opérateurs après de vous fournir l'abonnement. Opération Jouer les Tours. Dans quelques instants, nous allons lancer les appels. Jouer les bois. Jouer les bois. Pardon, pas jouer les tours. Jouer du bois. Il y a Pierre. Il y a Pierre qui nous regardait là de l'autre côté. Ah non, il est pas content. Il a raison. Jouer du bois. Donc on va appeler. Et si vous êtes vous-même, les trois opérateurs qui sont concernés. Exactement. Bouygues Telecom et Orange. Merci. Et nous allons les appeler dans quelques instants, Monsieur le Maire, pour vos habitants. S'il y a d'autres maires comme ça qui sont dans des situations similaires, ils nous appellent. Donc Hervé, vous me préparez le numéro. Nous sommes prêts. En direct, toutes les négociations auront lieu en direct. Là, on récompense Gilbert tous les matins les auditeurs, car cette émission entre 9h30 et 11h est la plus écoutée de France, donc on remercie les auditeurs et on va voir si vous connaissez la réponse à la question. Il y a un iPhone 6S Plus à gagner d'une valeur de 860 €, vraiment le must du must. Donc 3210 touche numéro 2, ça c'est pour arriver sur le standard jeu. Et ensuite voici la question: quel est le nom du groupe de rock français composé entre autres par Jean-Louis Aubert et Louis Bertignac? Est-ce 1 Minitel ou 2 Téléphone? À votre avis, Gilbert, donnez un indice. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Ah, écoutez, moi je dis que si vous ne gagnez pas, c'est vraiment que c'est la mauvaise volonté. Vous avez raison. Facile. Donc 32-10, touche numéro 2, puis encore 2 pour gagner, ou RTL 74-900. La première négo de Gilbert Montagnier en direct, qui est notre invité, je le rappelle, ce matin, lui qui jouera super concert demain à Liège. Ah oui, c'est vrai. En plein air. Lors des fêtes de Wallonie. Allez le voir à Liège demain et allez le voir jeudi prochain à Douai. Énorme concert à Douai. Prêt à négocier? Prêt à négocier. Allez, juste après ceci sur RTL. Ne bougez pas. Vous rêvez de faire construire votre maison? Alors, ne ratez pas le salon Faire construire sa maison, les 9, 10 et 11 septembre à Paris, porte de Versailles. Chez Intermarché, c'est reparti pour un tour avec le carburant à prix coûtant pour une rentrée qui roule aujourd'hui et demain. Le carburant à prix coûtant, c'est chez Intermarché. Dépêchez-vous! Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité magasin participant sur intermarché.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. À la rentrée avec Carré Blanc, osez la couleur. Pour les petits et les grands, parures de lit, serviettes colorées, peignoirs, couettes douillettes et oreillers, rééquipez votre intérieur à prix tout doux avec Carré Blanc. Osez la couleur. Profitez de la qualité Carré Blanc jusqu'à moins 30%. Conditions de l'offre en magasin valable jusqu'au 20 septembre. Liste des boutiques sur carréblanc.com. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et nous lançons l'appel et nous commençons par l'opérateur donc principal de cette commune. On verra dans un deuxième temps si on passe par... Donc vous, monsieur le maire, vous dites que la plupart des CSFR qui bloquent. Oui, c'est ça. C'est CSFR principalement. Alors, nous allons appeler le fameux... Quel numéro appelez-vous? En général, monsieur le maire, vous faites le 10-23? Le 10-23 en général. Alors, oui. Faisons comme tout le monde, puisque là on est le miroir de ce que vous vivez. On fait le fameux 10-23, Gilbert. Eh bien, on fait le 10-23. Et nous y sommes. Ça tombe bien. Pour utiliser au mieux notre service, veuillez vous munir du numéro de la ligne pour laquelle vous appelez. On est censé faire ça? Oui, c'est ça. Tapez dièse. Alors, on y va, on ouvre les mentions légales. Hervé passe dièse. Votre appel concerne votre mobile ou SFR la carte. Tapez 1. Ça concerne le total, madame. Votre SFR, votre offre fixe ou fibre, tapez 2. Votre clé 3G ou tablette, faut faire le 2, tapez 3. Il faut faire le 2. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Si, il faut faire le 2. Voilà. Ça fait 17 ans que j'essaie de savoir ce qu'il faut faire. Chiffre de la ligne fixe ou box. Ah ben, on n'a pas de numéro. Concerné par votre demande. On n'a pas les 10 chiffres. On n'a pas les 10 chiffres. Alors, on y va, c'est parti, Marie est en train de taper. Ah ouais, elle le fait bien en plus. Ça, c'est une chose qu'elle fait merveilleusement. Ah, Marie. Doigté. Ben oui, mais c'est important. Quand même. Désolé. Alors, nous n'avons pas compris votre réponse. Voilà. Oh, ben, sur le doigté, pardonnez-moi, mais on y repassera. Donc, Marie, on savait que ça allait se passer comme ça parce que ça se passe toujours comme ça. Pas parce que c'est Marie, mais parce que malheureusement, à chaque fois qu'on tape les numéros, ils ne comprennent jamais. J'aimerais juste, si vous me le permettez, Gilbert, demander quand même, avant de faire un deuxième numéro à Maître Novakovic, est-ce qu'à un moment donné, il y aura le temps de l'indemnisation? Parce que si le commerçant dit, moi, je travaille avec Internet et le téléphone et j'ai aucun client, est-ce qu'il paie son abonnement? Oui, Julien, je suis complètement d'accord avec vous. Mais moi aussi, je suis d'accord. Il faut complètement justifier par rapport au bilan le préjudice financier qui a été causé. Le maire lui-même peut prouver son préjudice. Oui. Bien sûr, une indemnisation peut être accordée. Désolé. Dans un premier temps, trouver une solution. Mais bien sûr, il faudra négocier ces dommages et intérêts. Absolument. Ou une indemnisation en nature. Alors, est-ce qu'il faut se tourner maintenant, Nathalie, tout de suite vers Orange? Alors, on va déjà essayer d'avoir le grand patron d'SFR. Ça, c'est une chose. Mais j'ai peur qu'il nous dise, voilà les enfants, moi, je ne peux rien faire tant que Orange n'aura pas vu ce qui se passait sur la ligne. Ils vont essayer... du tuyau. Bien sûr. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de nous dire qu'eux aussi sont aussi victimes, puisqu'ils ne peuvent pas facturer un service qu'ils ne peuvent pas rendre à cause d'une défaillance technique sur des installations qui appartiennent à Orange. Alors, on va voir. Pierre, qu'est-ce qu'on vous dit très exactement, vous ? Comment ? Qu'est-ce qu'on vous dit très exactement, vous, aujourd'hui ? Eh bien, ils me disent qu'ils vont intervenir sur le poteau concernant, que, le concernant, et qu'ils me disent qu'ils viennent tel jour, et à maître prix, moi j'habite à côté, je me déplace à chaque fois, et je ne vois jamais personne. Ça, c'est SFR qui vous dit ça ? C'est SFR qui me dit bon, ça. Bon, alors, Orange, vous avez eu les gens d'Orange ou pas ? Pierre. J'ai eu M. Nicolas Loquet. Oui. Il va bien, on a plus de nouvelles. Et qui devait me rappeler hier, mais il ne m'a pas rappelé. Alors, vous allez me donner le numéro de ce monsieur. Alors, nous allons appeler le monsieur de chez Orange. On continue. Nicolas Loquet. Donc, c'est le 06. Parce que il va être assailli. Là. Le pauvre Loquet. Attends. Ouais, oh non. Et on va essayer en parallèle d'appeler Orange. Et Bouygues Télécom dans tout ça, Pierre. Je n'ai aucune nouvelle. Bon, non plus. Mais décidément, on lui donne pas beaucoup de nouvelles. Alors, il nous faut faire un deuxième numéro. Là, on appelle qui, Marie ? Tapez 3. Là, on est toujours avec SFR. On est en train d'avancer dans le... Vous avez réussi à taper les 10 numéros ? Oui, ça y est, j'y suis. Nous n'avons pas compris votre choix. Voilà. Oh. À nouveau, pour activer, débloquer ou suspendre votre ligne. Donc, nous avons lancé, mesdames et messieurs, à 9h42, tous les opérateurs. Dès que vous lancez. Ça, c'est clair. Dès que vous entendrez la petite alerte, celle-ci, ça veut dire que quelqu'un répond, on le prend tout de suite sur l'antenne d'RTL Gilbert, d'accord ? Immédiatement. Est-ce qu'on se fait le temps que quelqu'un répond ? Imani, ça vous dit quelque chose ? Évidemment, c'est drôlement bien. Quelle voix ? C'est bien fait. Don't be so shy. Évidemment, vous bougez pas, vous êtes avec le beau Julien. Et le beau Gilbert. Et puis Nathalie, et puis tout le monde en fait. Allez, on tape des mains. Voilà, vous êtes c'est en voiture. Et on négocie pour vous. Volant, et voilà. On va y arriver. On va rétablir le téléphone dans le village. Rest your head. Close your eyes. You are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side, I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right. Myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and I saw God, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. We'll be right back. s'appelle Imani, elle est sur RTL. Son premier grand studio de l'année a été enregistré hier soir, sera diffusé demain à 15h et à 23h. Alors le village, avec monsieur le maire qui est toujours en ligne avec nous. Oui. Monsieur le maire, sachez-le, on va s'aimer. Absolument. Parce qu'il y a Gilbert qui est là, on va s'aimer et se téléphoner pour se dire qu'on s'aime. Faisons le point. On va y arriver, Pierre. Il n'y a plus de téléphone là-bas, alors tout le monde a un opérateur différent. On essaie de comprendre. Où en est-on de votre côté, puisque c'est quand même SFR apparemment qui est le cœur du problème pour l'instant. Hervé Pouchol ou Marie? Alors, écoute, alors en SFR, même temps, peut-être l'un après l'autre. SFR, on est en attente, Julien. Il y avait 6 minutes d'attente, il en reste 2. Ah bien, on continue de votre côté, Hervé. Je me suis permis d'envoyer un petit mail à M. Galliera, qui en général... Le grand patron. Voilà, il répond régulièrement et il nous aide. Il est très efficace. Très alors, bien. Il nous reste maintenant Monsieur Orange et Bouygues Télécom. Où en est-on ? Pour Orange, M. Nicolas Loquet ne répond pas. Je ne sais pas, il a peut-être écouté l'émission. Il a des problèmes de téléphone. Il travaille juste peut-être, oui. On a un deuxième numéro, si vous voulez, Julien, qui est notre contact habituel, qu'on peut essayer d'appeler. Eh bien, on y va, c'est parti. Et du côté de Bouygues, est-ce qu'on a essayé d'avoir quelqu'un pour l'instant ? Pas encore. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de lignes, du coup, à force d'appeler tout le monde. Alors, Sarah, vous essayez d'appeler Bouygues ou nous avons Charlotte aussi qui est sur le coup. Vous avez moi, vu tout le monde téléphone. Je vais vous aider. Ça serait bien. Bah, oui. Ça, j'adorerais que Gilbert prenne son portable, appelle tout d'un coup le directeur de Bouygues en lui disant c'est Gilbert Montagnier. Ouais. Tu sais que le plus difficile pour moi quand j'appelle les gens, très sérieusement, c'est que je mets 5 minutes à les convaincre parce qu'ils pensent toujours que c'est une blague. Ah oui. Et c'est difficile, ça. Mais, bonjour, alors, les gens, tu parles en toute transparence de ça. Les gens se demandent tu as un iPhone tout à fait normal ou il est adapté? Non, c'est un iPhone. Apple a fait un truc extraordinaire, c'est que sur tous les iPhones, je précise tous les iPhones, eh bien, il y a un système qui s'appelle Voice Over. Ah oui. Et Voice Over, avec ça, nous parcourons l'écran et quand on veut entrer dans une application, on tape deux fois et ça le fait très très bien. Moi, ça m'a changé la vie. Bah oui, vraiment, Steve Jobs, il a bien fait de venir. Bon, on va le remercier, Steve. Ouais, ça va être un peu difficile là, parce qu'il est pas mort, mais on l'aime. Ah, une alerte, que se passe-t-il, Marie? On a SFR en ligne, Julien, après les 6 minutes d'attente. Bah voilà, bonjour SFR. Allô. Allô. Madame. Bonjour madame, comment allez-vous? Julien Courbet à l'appareil, vous m'entendez? Allô. Oh, elle me l'a envoyé la musique. Ouh, elle s'est branchée sur un pacemaker. Non, c'est sûr. Allô. Bonjour monsieur. Bonjour madame d'SFR. Oui, bonjour monsieur. Je me présente, je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Je suis dans le studio d'RTL. À mes côtés, il y a Gilbert Montagnier. Il dit bonjour. Bonjour, vous allez bien? Allô. Voilà. Ça, vous n'allez pas faire. Ce qui m'arrive à moi. Vous n'allez pas faire un grand négociateur. Je suis content parce que ça n'arrive pas qu'à moi. D'habitude, c'est toujours moi qui me fais bâcher. Pour une fois, c'est lui. Non, on va y arriver. Non, elle doit penser que c'est une blague. Enfin, c'est ça. Déjà, vous dites Julien Courbet, on se dit bon. Ah. Voilà. Et maintenant, elle nous raccroche au nez. Merci SFR. Et bon, on recommence. C'est pas étrange, grave. Hein. Ah ben, c'est comme ça. Oh, ça arrive souvent. Le problème, c'est que les gens, avant de demander si c'est une blague ou d'essayer de juger, ils raccrochent. Donc, c'est difficile d'avancer. On continue. Je vous assure, monsieur le maire, qu'on va avoir une solution d'ici. On va pas lâcher. Je l'espère. Une petite parenthèse, vous aviez un problème de téléphone, Maître Fellonneau. Exactement, mais figurez-vous que hier, j'ai eu un monsieur fort civil qui m'a appelé, qui m'a confirmé qu'effectivement, nous étions 447 personnes dans mon cas, c'est-à-dire sans téléphone depuis plus d'un mois. C'est vrai. Et que c'était une panne sur un des câbles principaux, et que cette panne maintenant était réparée, qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez tester. Donc j'espère que je vais avoir Internet ce soir, au lieu de travailler sur l'écran d'iPhone, qui est quand même pas très confortable pour lire des documents. Ah, maintenant, je vais négocier, vous dommage intérêt. Hein. Nous allons retraiter cette histoire de téléphone, une alerte dès que quelqu'un nous répond chez les trois opérateurs. Et un vrai petit scandale. Et ça, je suis sûr que ça va vous toucher, mon Gilbert. Oui. Michel nous dit qu'un plombier aurait profité de l'âge de sa cousine pour lui prendre, juste pour remplacer un petit robinet, quasiment 1000 euros. Non. Ça lui a pris 10 minutes. Non, attends. Alors, il est en ligne, là, peut-être Michel, on va peut-être pouvoir le prendre. Michel, êtes-vous en ligne? Il est là, Michel? Alors, on y va. Michel, bonjour. Allô, bonjour, Julien. Ça va, Michel? Combien il lui a pris exactement? Alors, la somme exacte, c'est 936,76 euros. Et à votre avis, le robinet vaut combien? Bah, ça vaut... Mais allez, si je l'achète cher, une vingtaine d'euros. Ben voilà. Effectivement. Michel, bonjour, Michel, c'est Gilbert Montagnier, ça va bien? Bonjour, Gilbert. Ben oui, il y a un temps que je ne vous ai pas vu, c'est pour ça que je voulais vous dire bonjour, quand même. Hein? On s'occupe de ça, Michel. Non. Vous me laissez une seconde? Oui. Oui, bien sûr. Allez, vous nous appelez d'où, Michel? De Port-de-Bouc, dans les Bouches-du-Rhône. Ah bah évidemment, on connaît. Il y joue souvent. En tout cas, c'est loin de là où il sera demain, puisqu'il sera à Liège. Et jeudi prochain, à Douai, deux concerts à attendre. Puis on parlera un petit peu de cinéma. Ça pour Céline. Oui, on parlera de cinéma. Le coup de gueule. 1000 euros pour un robinet. Non, mais ça va pas. 1000 euros à suivre sur RTL. On va appeler. Découvrez Greenbergen Blonde, ses arômes de fruits mûrs et d'épices révèlent une bière d'abbaye au goût légendaire. Grimbergen Blonde, l'intensité d'une légende. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. RTL présente le Vampitour. La tournée événement des stars de ta série préférée Chica Vampiro est de retour. Retrouve Daisy, Max, Marilyn et Mirko au Zénith de Paris le 2 novembre et en tournée dans toute la France du 19 octobre au 6 novembre. Réserve vite tes billets dans les points de vente habituels et sur RTL.fr. Et ton grand, il fait quoi maintenant? Le lycée, c'est du sérieux, on ne les voit pas grandir. Tu l'as bien assuré? C'est un vrai changement de vie. Avec l'assurance scolaire Matmut, ça aussi c'est du sérieux. Et c'est moins cher la première année au lycée. Offre valable du 1er juillet au 30 septembre 2016 pour toute première rentrée en nouveau cycle scolaire. Conditions en agence ou sur matmut.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Est-ce qu'il y a du nouveau Hervé sur le village, privé de téléphone, privé d'internet, où en est-on? Alors, j'ai réussi à joindre quelqu'un à la direction d'Orange et il contacte immédiatement le service technique. On aura du nouveau d'ici 11h. Bien, très et bien. On continue d'essayer d'avoir un patron chez SFR. Oui, que se passe-t-il, Marie, de votre côté? Du côté de chez SFR Numérique Câble, on a justement Monsieur Jean-Pierre Galera qui est là et qui est prêt à s'exprimer. Bonjour Monsieur Galera, merci une nouvelle fois. Alors, Monsieur Galera, bonjour. Bonjour. Alors, je suis dans le studio en direct, je suis aux côtés de Gilbert Montagné à qui j'ai expliqué que vous êtes un peu notre sauveur, car à chaque fois qu'il peut y avoir un souci, vous êtes là et vous vous décarcassez pour essayer de le résoudre. Là, c'est tout un village qui a besoin de vous, monsieur le maire. C'est un des patrons donc d'SFR qui est là, du service commercial, mais vraiment en deux mots, réexpliquez-lui la situation. Donc voilà, depuis le 22 juin, on a un pylône qui est situé sur notre commune, qui doit être défectué, et les gens n'ont plus de réseau ni de Internet. Donc j'ai réclamé à maintes reprises, et rien n'a bougé. Donc je suis obligé d'intervenir par Julien Courbet pour essayer de trouver une solution. Alors les commerçants, les Internet, les enfants, etc., comment voilà. Peut-on faire, monsieur Galera? Mais je comprends la situation. Simplement, il faut que je vienne d'en être informé, je vous en remercie. Nous allons effectivement investiguer de notre côté. Il faut que l'on regarde à qui appartient ce réseau, à qui appartient ce poteau. Enfin, parce que bref, ça peut être, j'essaie de comprendre, ça peut être ou un poteau SFR ou alors un câble Orange qui est distribué à tout le monde, c'est ça? Exactement. Ça ouais. Peut être, il faut regarder à qui appartient alors. Effectivement à qui appartiennent ces infrastructures. Et puis à partir de ce moment-là, effectivement. Est-ce que sans résoudre le problème là, dans l'heure, ce qui est impossible, est-ce que vous pourriez au moins avoir le renseignement de savoir, comme vous avez le nom de la ville, à qui appartient le poteau? En tout cas, ce que je peux savoir, c'est si ça nous appartient à nous. Voilà, si ça appartient c'est ça. À voilà. On peut essayer d'avoir ça dans les minutes qui viennent. Je vais tout de suite faire en sorte de vous donner merci. Cette information. Parce merci. Parce que Monsieur Galera, ce qui est dommage, c'est que cette personne, le maire du village, l'a appelé plusieurs fois, vraiment, puis il n'a jamais eu rien. Quoi. Il n'a jamais eu quelque chose de positif. Écoutez, en tout cas, je vais le prendre en charge tout de suite. Merci, voilà. Monsieur Galera. Avec lui, je peux vous dire que ça bouge. Mais évidemment que ça va bouger. Allez, Monsieur Galera, on se lance un pari que d'ici quelques minutes, on arrive au moins à savoir à qui appartient ce fameux poteau pour avoir les bonnes personnes, d'accord? Je vais tout faire pour ça. Merci, Monsieur Galera. Merci une nouvelle fois. Merci. Il est adorable. Ben, oui. Donc, je le trouve... moi, je suis quand même un peu inquiet pour mon boulot, je vous le dis tout de suite. Ah bah. Il a une façon de t'enrober les choses, le Gilbert, qui m'avait remplacé d'ailleurs tout un été. Oui, bien sûr. Il avait fait... Comment s'appelait l'émission, déjà? On peut vous aider, même en été. Oui, régler des problèmes, il prenait son accent américain, il prenait souvent des problèmes de camping car. S'il y avait des gens qui étaient bloqués, il les appelait. Alors, vous avez besoin d'un camping car, Joseph? Qu'est-ce que c'est? Ben oui, parce que c'est un camping car. Alors, je voudrais saluer Céline qui est du Nord et qui demandait où est-ce que je vais jouer. Ben, comme Julien vous l'a dit tout à l'heure, à Douai. Céline, si vous avez entendu, c'est à Douai. Juste jeudi à Douai. Prochain. Demain, c'est nous, à Douai. Nous allons donc maintenant, si vous le voulez bien, redonner la parole à Michel. Michel, vous m'entendez? Je vous le dis. Michel, quel âge a sans indiscrétion votre cousine? Elle a pratiquement 80 ans. D'accord, ben oui. Donc elle a un petit problème, l'eau ne coule plus? Non, elle a eu une fuite dans son couloir, sur un cuivre apparent, vous savez. Oh là là, c'est une galère ça. Ouais. Il y avait un robinet, une soudure qui a lâché. Ah. Ouais. Et il est venu un plombier de Marseille, parce que ce jour-là, c'était le 15 juillet. Et ouais, à Port-de-Bou, il y avait pas... un plombier dans la région. Ah. Et le plombier est venu de Marseille. Il a dit, moi je viens. Ah ouais, bien sûr. Et alors il a coupé le cuivre, il a supprimé le robinet qui était fuyard. Ouais. Il a mis une manette avec deux raccords. D'accord. Il a travaillé maximum 20 minutes quoi. Bon, ouais. Et il y avait quelqu'un qui était sur place, hein. Je crois il y avait une cousine qui assistait à tout. Non, il y avait la locataire de ma cousine. D'accord. Et donc ça lui a coûté 936 euros. 936. Mais j'ai la facture sous les yeux. Ah ouais. Un forfait réparation, 595 euros. Ouais. Une fourniture, c'est-à-dire le matériel, 186,60 €. Pour un robinet? Et un déplacement, 70 €. Ouais. Alors, on va tout lui donner. Oui, et je bien vous écoute. Sûr, pas de chèque. Et en espèces. Tout le temps, d'accord. Non. Espèces ou carte bleue. Et elle a payé comment alors du coup? Une carte bleue. Voilà. Maître Novakovic, alors encore une fois, je veux pas qu'on rentre dans le débat parce que souvent on dit oui, c'est une personne qui avait 80 ans. Il y a des gens qui nous appellent et qui disent attendez, à 80, on est complètement capable de faire. Il y en a qui le sont et il y en a malheureusement qui ne le sont pas et qui sont pas capables. Moi je connais encore des gens dans ma propre famille qui en sont encore au front. Mais même si elle avait eu 55 ans, il lui aurait fait l'arnaque pareil, moi je pense. Bah, c'est plus facile, c'est plus facile d'affoler une personne de 82 ans, 83 ans, pleine chaleur en lui disant oh là là, c'est la catastrophe si je fais pas quelque chose. Donc est-ce que, on ne sait pas si c'est le cas, mais il peut y avoir cette notion, Maître Novakovic, d'abus de faiblesse. Oui, complètement. Et d'ailleurs, la loi est là pour protéger justement ces personnes. Et c'est l'article L122.8 du Code de la consommation qui punit toute personne qui abuse de la faiblesse d'une, justement, d'un consommateur. Si on peut prouver cet état de, tout à fait. Si on peut prouver cet état de faiblesse, eh bien, c'est très condamnable et la peine est prévue très lourde puisque c'est 3 ans d'emprisonnement, 375 000 euros d'amende. Donc attention. Donc si la preuve est avérée, il a fort à faire ce monsieur. Tu devrais faire Gilbert un album où elle te réciterait des articles de loi en musique. Vous feriez un carton. Non Sylvie. Un malheur. Sylvie, pardon. Alors il y aura l'appel téléphonique à ce plombier. C'est à ne pas manquer. C'est juste après les infos. Mais il y a eu une alerte, Sarah, oui, sur le dossier du téléphone chez le maire. Et oui, Julien, j'ai eu le plaisir d'avoir quelqu'un de chez Bouygues Télécom, un responsable à qui j'ai expliqué le problème de ce village un petit peu isolé du reste du monde. Alors, ils sont un peu surpris, étonnés, mais ils vont ouvrir le dossier, ils mènent une enquête, ils reviennent vers nous durant l'émission. Je récapitule, un village entier n'a pas de téléphone. Nous avons eu le responsable d'SFR, il regarde si le poteau appartient à SFR. Nous avons eu à l'instant Bouygues Télécom qui regarde également, et nous avons eu aussi Orange. Donc, tout ceci devrait se jouer dans ce qu'on appelle le Money Time, vers 11h-20, où nous allons avoir les réponses. Le plombier, on l'appelle dans quelques instants. On rappelle rapidement le jeu 32-10, touche numéro 2, et vous redonnez la bonne réponse, qui est d'après Gilbert, la réponse 2, puisqu'on vous demande le nom du groupe français de rock le plus connu, est-ce Minitel ou Téléphone? Ouais, je pense que là, vous avez des chances. Hein. Et tous les deux, d'ailleurs, ont fait partie de la génération Minitel. Hein. On a connu ça, nous. On a eu la chance. Hein. Ça fait un bruit. Oui, ça fait un bruit d'enfer, c'est vrai. RTL, vous êtes. Bon week-end à tous. Gilbert Montagnier est avec nous. Demain, il est à Liège. À Liège. Oui, j'ai mes papiers, j'y vais. Jeudi à Douai. Liège. Et on est. RTL. Les légendes du cidre. À l'apéro de l'an zéro, le cidre du roi Arthur s'était envolé. Tout accusait ce fourbe de Jules César. Oh, c'est pas moi, j'avais poney. Mais arrête tes salades, César. Bon, j'avoue, je suis venu, j'ai vu, je l'ai bu. Mais Guenièvre sauva l'apéro. Elle avait des petites bouteilles de cidre au frigo. Doux, brut ou rosé, chacun son préféré. Pas touche, César. Aïe. Le cidre rosé, c'est pour mon Jules. Depuis ce jour, les petites bouteilles de cidre à l'apéro, quelle fraîche idée. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Jusqu'au 13 septembre, chez Conforama, les tops de la rentrée vous attendent à prix coûtant. Comme le canapé Duncan à 74,83 € seulement. Avec un prix comme ça, ceux qui veulent faire des économies peuvent nous dire merci. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Eh bien, cette première demi-heure s'est bien passée, mon Gilbert. On en a encore deux à tenir et il y a plein de choses à faire. C'est un plaisir. Alors, le plombier, ça sera le prochain gros dossier. On va l'appeler dans une seconde. On va lui faire comprendre qu'on peut pas comme ça. Ou alors, faut vraiment le justifier. Placer un robinet à 1 000 € chez cette dame. Et s'il le faut, vous y remplacez un vous-même et pour moins cher. Mais bien sûr, moi je vais, sans problème. Marseille. Gilbert est l'homme le plus gentil que je connaisse et croyez-moi, il est prêt à rendre service à tout le monde. Ah, ça, oui. Vous avez choisi d'écouter RTL, c'est le 9h30-11h. Nous réglons les problèmes avec Gilbert Montagnier et maintenant sur votre radio RTL. Oh yeah. Il est 10h. Et alors moi, j'ai une info pour 10h, c'est que c'est Marie Guerrier qui va nous présenter les infos. Bonjour Marie. Bonjour Julien, bonjour Gilbert et bonjour à tous. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, se rend aujourd'hui à Calais. Il affirme que le démantèlement de la jungle, le gigantesque camp de migrants, va se poursuivre par étapes, avec la plus grande détermination. Il explique que des places d'hébergement seront créées ailleurs en France pour désengorger Calais. Ce démantèlement par étapes ne satisfait pas la maire de Calais, Natacha Bouchard. Elle rappelle que la partie sud de la jungle a été démantelée au printemps et que finalement, aujourd'hui, dans le campement, au lieu de diminuer, eh bien, le nombre de migrants a doublé. Les commerçants et les habitants du Calaisis veulent bloquer l'autoroute autour de Calais lundi prochain dans la matinée pour réclamer un démantèlement total du site. Il y aura une baisse d'impôts pour les ménages en 2017 et elle sera annoncée la semaine prochaine. C'est ce qu'a déclaré ce matin sur RTL Christian Eckert, le secrétaire d'État au budget. Cette baisse d'impôts sera annoncée par le président de la République à son retour du sommet du G20 en Chine ou par le premier ministre Manuel Valls. On ne sait pas encore s'il s'agira de diminuer l'impôt sur le revenu ou la CSG ou la prime d'activité. Au Gabon, Ali Bongo rejette la responsabilité des émeutes de ces deux derniers jours sur des groupuscules liés à l'opposition. Ali Bongo, président sortant, dont la réélection a été validée par la commission électorale, est sommé par la communauté internationale de clarifier la situation. Le centre de la capitale gabonaise, Libreville, est quadrillé par les forces de l'ordre. Les leaders de l'opposition disent qu'ils sont retenus au quartier général du candidat battu, Jean Ping, et qu'ils ont dormi à même le sol, en plein air. Un automobiliste était en fuite depuis une semaine après avoir tué d'un coup de couteau un autre conducteur dans une rue de Pau. Il y avait eu une altercation, un feu rouge. Soupçonné d'avoir fui en Espagne, le meurtrier présumé s'est finalement rendu à la police à la sortie du tunnel du Somport qui relie la France à l'Espagne et il a été conduit au commissariat de Pau. L'ouragan Hermine qui s'est formé dans l'Atlantique a touché terre en Floride ce matin, provoquant des inondations et des coupures de courant dans des dizaines de milliers de foyers américains. Les vents soufflent à plus de 130 km/h et les pluies sont torrentielles. Cela peut durer de 12 à 24 heures. Le tennis à l'US Open, pour la première fois de sa carrière, le français Nicolas Mahut a atteint le troisième tour de ce tournoi du Grand Chelem en battant son ami Paul-Henri Mathieu. Il rejoint à ce stade de la compétition trois autres Françaises, Tsonga, Monfils et Pouille. Chez les filles, qualification de Caroline Garcia. La Française a pris sa revanche sur la Tchèque Siniakova qui l'avait éliminée à Wimbledon. Puis élimination cette nuit de Gilles Simon, Jérémy Chardy et Kristina Mladenovic. La Bourse de Paris a ouvert en légère hausse ce matin de 0,48% et la tendance reste à la hausse. Le CAC 40 tourne autour de 4473 points. La météo du jour, une petite perturbation. S'étend de la Bretagne au Hauts-de-Seine, ça donne un ciel chargé de nuages et quelques averses possibles le long des côtes de la Manche. Sur le reste de la moitié nord, le ciel est voilé mais l'impression reste agréable. Les températures seront élevées. Sur la moitié sud du pays, ben là, le soleil va dominer toute la journée. Ce sera le cas aussi d'ailleurs sur l'Alsace, la Franche-Comté et une partie de la Bourgogne. Alors on attend 21 degrés à Brest et Cherbourg au meilleur de la journée, 24 à Lille, 26 à Biarritz, 29 à Paris, 30 au Mans, 31 à Lyon, 32 à Bordeaux, 33 à Marseille et 34 à Toulouse. Les courses sont en nocturne à Vincennes. Les pronostics de Bernard Glace pour le Quintet. Il vous conseille de jouer le 5, le 15, le 8, le 6, le 16, le 14, le 13 et le 11. Et la dernière minute de Bernard, c'est le 15, Boléro bleu. Il est 10h et presque 4 minutes, vous êtes sur RTL, bien sûr, avec Julien Courbet. Merci beaucoup, on se retrouve tout à l'heure à partir de 11h. L'invité de la semaine qui est là et qui, croyez-moi, participe plus que ceux qui sont payés pour le faire dans l'émission, s'appelle Gilbert Montagnier. Il est avec nous, on est ravis. Et on va y arriver. Gilbert, parce que Gilbert, il est comme nous, il aime aider les gens, il le fait bien. Donc Gilbert, on a eu un premier gros problème avec un maire qui nous appelle en nous disant « Rendez-moi le téléphone ». Oui, hein, ça se comprend. C'est en bonne voie, tous les opérateurs ont été appelés, Hervé. Oui, et on a contacté les directions. Eh bien, figurez-vous que les trois directions ont répondu présentes. Jean chez Bouygues, c'est Jérôme chez Bouygues, Alexandre chez Orange et Jean-Pierre chez SFR. Le dossier va avoir une suite, c'est promis. Tous les trois regardent, hein, ils ont dit on regarde. Ils sont trois à regarder, donc normalement ça devrait le faire. Hein. Et bien, voilà. Michel est en ligne avec nous, il nous a expliqué que sa cousine, donc voilà, un petit problème de fuite d'eau, un plombier vient, il nous a dit on se serait cru dans du pagnol. Elle a fait venir le plombier de Marseille. Il a arnaqué, il a fait 936 euros pour un robinet. C'est pas possible. Vous connaissez l'histoire du Marseillais qui rentre dans sa chambre et il trouve son meilleur ami qui couche avec sa femme. Et alors il lui fait oh ! Et l'autre lui fait eh ! Voilà. Et elle est courte et facile à retenir celle-là. Et encore vous avez raté le gestuel de Julien. Je l'ai fait, exactement. Allez Michel, on appelle ce plombier et on va essayer de voir si on peut négocier avec lui. Est-ce que, ceci étant dit, après, je repose la question, les prix sont libres en France. Est-ce que c'est ça qui est difficile devant un juge d'aller plaider ? Alors, les prix sont libres, certes, mais il faut quand même que ce qu'on vous facture corresponde à une prestation réelle. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est bien là le signe de l'abus de faiblesse, quand effectivement on arrive à faire payer quelque chose d'astronomique à quelqu'un qui est sans défense et qui ne voit pas ce qui lui arrive en Maître fait. Maître Novakovic. Et surtout les circonstances liées à l'urgence et les conditions dans lesquelles ça a été changé en fait. Marie, vous voulez rajouter quelque chose avant l'appel ? On a récupéré le numéro sur la facture, Julien. Quand on le lance, ça n'a pas l'air de sonner, on peut réessayer si vous voulez en direct et puis on a cherché d'autres numéros en parallèle. Mais le premier risque de ne pas D'accord. sonner, je vous préviens. Merci de nous prévenir, elle a bien raison. Ah bah oui, mais voilà, on sait où on met les pieds. Au premier moins. Numéro. Voilà. Celui de la facture. Alors, vous ne voyez pas, mais je l'ai lancé et il se passe ouais. rien. Donc il se passe rien. Voilà. Donc, deuxième. L'avantage, c'est qu'on peut dire n'importe quoi aux auditeurs, parce que de toute façon, ils ne peuvent rien vérifier. Ah, bah si, si, si. Si ça se trouve, on n'a même pas appelé. Allez-y. Vous voyez, il se passe rien. Là, ça se trouve, on n'est pas Si ça se trouve, l'émission a été enregistrée il y a deux ans. Alors, est-ce qu'on y va ? Deuxième numéro. J'espère qu'ils ont payé leur facture de téléphone. Et qu'ils ne sont pas dans le village. Ah, ça sonne. On essaie d'aider. Alors. Comment s'appelle Oui, comment s'appelle l'entreprise, s'il vous plaît, Marie ? Charles. Charles, d'accord. C'est une entreprise ? Ah, bah, c'est le nom de l'entreprise. Bonjour. Oui, bonjour. Oh, pardon. Oh, allez-y, Gilbert. Bonjour, mademoiselle. C'est Gilbert Montagnier et puis Julien Courbet. On est en direct. Vous êtes en direct sur RTL. Alors, l'entreprise Charles, est-ce qu'on peut parler à un responsable ? Parce qu'on a quand même un problème avec Michel. Voilà. Alors, je vous explique, madame, en deux mots. Vous avez fait une intervention chez une dame de, qui a, je crois, 80 ans, et on lui a mis un... J'avais entendu qu'elle avait raccroché. Mais moi, non. Bon, on y retourne. Alors, peut-être qu'elle a cru que c'était une blague. Ben on y retourne. Ouais. Allez, c'est parti. Je vais te laisser faire au début. Oui. À chaque fois, je dis c'est pas non plus un gage, hein, de me laisser faire. C'est un truc. Ah, mais c'est fou, ça, c'est... J'espère que... Alors après, ils peuvent se mettre en attente comme ça pendant deux jours, s'il le faut. C'est-à-dire qu'ils préfèrent refuser d'avoir aucun appel plutôt que de nous répondre. C'est vrai qu'on lui a dit qu'on avait un problème, ça lui a peut-être fait peur. Dépannage entreprise Charles. Ouais. Ah, bonjour, j'ai un problème de plomberie, ça sonne. Ah, on va voir le répondeur. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur. On va lui laisser un message, on va lui laisser. Voilà. Ouais. Bah, allez, c'est reparti. On y va. On y retourne. Vous êtes évidemment sur RTL, Julien Courbet à ma droite. Bien sûr, Gilbert Montagnier à ma gauche. Ah. Ça sonne. Et après, Gilbert va vous raconter comment un homme a osé l'arnaquer cet été avec sa carte bancaire. Oh là là, quelle galère. Alors, on laisse le répondeur. Oh, tu veux lui faire un petit message ? Bah oui, comme ça, qu'il voit que c'est pas une blague. On peut aussi mettre ça sur le compte de tiens, il y a. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de la société de dépannage. Oh là. Merci de laisser vos coordonnées. J'aime Nous vous rappellerons dans les plus brefs délais. Au revoir. Allez, alors, ils doivent se brancher peut-être sur RTL. Ça a sonné ? Oui. J'ai pas entendu. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Oui, bonjour, l'entreprise de dépannage Charles. Nous venons de vous appeler. C'est la radio RTL. Nous sommes en direct. C'est Gilbert Montagnier et Julien Courbet qui viennent de vous appeler concernant un dépannage réalisé chez une dame, un petit changement de robinet à 1000 euros. Et on voulait savoir s'il n'y avait pas eu une petite erreur et si on pouvait pas arranger un petit peu le coup parce que ça fait très cher pour cette dame. J'ai toutes les coordonnées. Alors, vous nous avez raccroché au nez. Peut-être pensiez-vous que c'était une blague. Ça n'en est pas une. Ah, pas du tout. On va vous rappeler dans quelques instants et on va pas faire traîner ça tous les jours et rappeler l'entreprise Charles. Non, ça serait bien. Vous réagissiez maintenant, par exemple. Voilà, peut-être êtes-vous en train de nous écouter. Donc, on va raccrocher et vous rappeler pour pas qu'il y ait de confusion avec d'autres Charles, parce que peut-être que les gens pensent que ça pourrait, je sais pas moi, Charles Aznavour qui a été dépanné, changer un robinet. Non, pas du tout. Charles. Ou le prince Charles qui vient faire du dépannage également. C'est l'entre. Oui, avec Camélia. Enfin, exactement. Bon. Oui, voilà, pour le coup, il a bien dépanné Charles. Problème de tuyau. Elle avait un problème de tuyau. Elle l'a bien réparé d'ailleurs. 69 rue du Rouet à Marseille. Donc, on va rappeler dans une seconde, vous me faites l'alerte Hervé pour m'avoir, s'il vous plaît, quelqu'un. Nous avons une alerte. Oui. Voilà, non, ça c'est pour expliquer ce qu'il a fait. C'était juste comme ça. Et maintenant, j'ai bien senti la jeune fille, moi. Alors bon, c'est pour ça que je vais l'appeler. Hein. Gilbert. Racontez-moi, Gilbert, qu'est-ce qui vous est arrivé avec cette carte bancaire cet été ? Eh bien, j'étais au Mexique, et alors au Mexique, dans un resto, on a payé évidemment avec la carte. Alors évidemment, au Mexique, il faut donner la carte, et alors ils vont en arrière vers le stock là-bas, et puis ils vous ramène normalement la facture, tout ça. Et on s'est aperçu quelques semaines après que ma carte a été, donc le numéro a été piraté, a été copié, et de l'argent a été retiré dans trois villes différentes au Mexique, où je ne suis pas allé, par contre. C'était pas dans les villes que j'avais fréquentées. Voilà. Donc, en deux mots, comme en un mois, si vous voulez, Gilbert Montagnier, je vous dis un truc, ne donnez pas votre carte à des endroits où les gens vont aller. C'est-à-dire que normalement, il ne faut pas la quitter des yeux. Voilà. Ouais, je la quitte plus des yeux, d'ailleurs. Non, j'ai retenu. Hein. Mais c'est vrai, Gilbert, bon, là, on en rigole, mais il faut, ou alors quelqu'un à voir à côté, mais quand ils prennent la carte, moi, et qu'ils vont... Tout, est-ce que comment vous avez pu vous faire rembourser ? Eh ben, pour l'instant, c'est en stand-by. Ah bon? Mais on va y arriver. Bon. Mais si, on m'a dit que c'était en train d'arriver, là, que c'était bon. Hein. Ah, bah, Nicolas, c'est un Pierre qui s'est régalé, qui s'est fait appeler Gilberto Montagnolo là-bas. Gilberto, ouais. Il fait des concerts, il s'est fait passer pour lui. Que se passe-t-il, Marie? En janvier, j'ai eu exactement le même problème au Brésil. Exactement la même chose. Et voilà, j'ai laissé ma carte bleue et malheureusement, on m'a débité. J'ai été remboursé, donc Gilbert, ça va pas tarder. Très bien. Non, paraît-il que c'est en train de s'arranger. Un petit point info très rapide, s'il vous plaît. Parce qu'il est 10h10. Eh ben oui, le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Je rappelle que pour le téléphone, un village entier est coupé de téléphone et c'est une catastrophe pour les commerçants et les étudiants et les mères de famille et les personnes âgées. Nous avons appelé les trois opérateurs qui regardent, ont essayé de savoir d'où vient le problème. Hervé, on aura des nouvelles vers moins le quart. Ils travaillent avec les services techniques, on aura du nouveau. C'est plus compliqué pour Michel. Sa tante, 80 ans, lui place un robinet à 1000 euros. On appelle l'entreprise Charles, 69 rue du Rouet à Marseille. On nous a raccroché au nez. Vous avez réessayé? Ah oui, j'ai réessayé au moins 20 fois et là, ça ne sonne plus, ça raccroche directement. Eh bien, on va réessayer sur le répondeur. Et si on n'y arrive pas aujourd'hui, on rappellera lundi, mardi, mercredi. Ça, c'est pas bien du tout. Hein. Bah, on assume, on téléphone, on discute. Attends. En plus, on dit pas qu'on a raison, on peut au moins discuter. Allez, dans une seconde, la suite avec un troisième dossier qui va arriver. Les deux peuvent intervenir à n'importe quel moment. Mais en attendant, si vous habitez rue du Rouet à Marseille, allez les voir, l'entreprise, ils sont 69. Pas bête. Bah oui, dites-leur de répondre au téléphone. Sans blague. Vous êtes où? Sur RTL. Il fait mieux le métier que moi. Si jamais vous êtes rue du Rouet, pourquoi ne pas passer les voir gentiment en leur disant allez, j'offre un pastis, si on arrive femme à... Femme de chez Chou, là. Voilà, exactement. Arrivé, allez, passez 69 rue du Rouet et dites à ces gens-là de bien vouloir nous répondre, on en a vraiment besoin pour correct, cette date. Hein. À tout de suite sur RTL. Casino. Chez Casino, pour l'achat d'un carton de 6 bouteilles de Saint-Émilion, le deuxième est gratuit. Et donc Mélanie adore le Saint-Émilion, foncez chez Casino. Jusqu'au 18 septembre, c'est la foire au vin dans tous les supermarchés Casino. Et pour l'achat d'un carton de 6 bouteilles de 75 centilitres Lussac Saint-Émilion 2015 Château Saint-Pierre de Rambourg, le deuxième est à 0€ au lieu de 47,40€, soit 3,95€ la bouteille seulement. Avec Casino, prenez goût aux économies. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Je suis le dressing de chez Castorama. Et avec tous mes copains du rayon rangement, nous encourageons tous ceux qui ont des idées à aller jusqu'au bout de leur projet. Pas vrai, les amis? Oui! Alors ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, Castorama vous offre 15% de remise sur les dressings, les portes de placard, les boîtes de rangement et accessoires de penderie. Oh, ça y est, je sens que je vous donne déjà envie de ranger. Hors commande et promotions en cours, voir conditions en magasin et sur castorama.fr, liste et horaire des magasins ouverts ce dimanche sur notre site. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Un grand coffret Gilbert Montagnier qui va s'appeler Par Amour, car il a toujours fait ça par amour, va sortir ou il est sorti? Il vient de sortir. Il vient de sortir, voilà. Donc il y a l'intégrale des titres. Oh, il y a des lives, il y a des DVD, il y a des albums studio, il y a tout ce qu'il faut en magasin. Non, c'est vraiment bien. Par Amour, l'intégrale images et sons de Gilbert Montagnier, ne le manquez pas. Il y en a un autre, tiens, qui a fait un live, c'est Francis Cabrel. Oh, mais il a bien fait, Francis. Eh ben, on va l'écouter. Bah non, sans blague. C'est écrit. Ah, j'aime bien ça. Elle est belle, celle-là. Ah, puis c'est bien. Vous êtes sur RTL, vous le saviez? Bah, oui. Non, bah, très bien. Non, mais enfin, je demande. Quel ange. Changer la course des nuages. Balayer tes projets, vieillir bien avant l'âge. Tu la perdras 100 fois dans les vapeurs des ports. C'est écrit. Entrera blessé dans les parfums d'un autre. Tu t'entendras hurler que les diables l'emportent. Elle voudra que tu pardonnes et tu pardonneras. C'est écrit. Elle n'en sort plus de ta mémoire. Derrière les brouillards, et toi tu cherches et tu cours. Tu crieras jusqu'aux heures où personne n'écoute. Tu videras tous les bars qu'elle mettra sur ta route. Passera des nuits à regarder dehors. C'est écrit. jour. Elle danse derrière les brouillards. Et toi tu cherches et tu cours. Y'a pas d'amour sans histoire. Et tu rêves, tu rêves. Me dire ses soupirs, ses dentelles, qu'à bien y réfléchir, elle n'est plus vraiment belle, que t'es déjà passé par des moments plus forts. Les jours, Francis Cabrel. C'est écrit, cet extrait du live 2 CD plus DVD, l'In-Extremis Tour de Francis Cabrel. On rappelle qu'il y a l'intégrale de Gilbert Montagné qui est disponible, le tous les titres, amour. Le coffret par amour, actuellement partout où l'on vend de la bonne musique. Ah oui, ça, normalement. Alors, un petit, petit plus du côté, passe, du côté du plombier. Alors, Hervé est parti peut-être négocier, mais on sait qu'il a réussi à avoir quelqu'un, puis ça a raccroché. Marie, faites-nous un compte-rendu. Bah, on a eu la secrétaire qui répond et qui dit, on veut rappeler plus tard, à mon avis, elle doit être débordée par le nombre d'appels, parce qu'on a donné le nom de la société. Donc, si vous écoutez RTL, n'appelez pas ce numéro. Laissez ces gens pouvoir s'exprimer et essayer de régler le problème avec nous. Mais quoi qu'il en soit, 936 euros, c'est quand même très cher. Oui, hein, oui, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça ne changera pas le problème. Attends. Il va falloir qu'on trouve un petit accord. Ah, oui. Alors, on suit cette émission comme un feuilleton, Gilbert. On ne règle pas tous les problèmes chaque jour en direct. Quand ils ne sont pas réglés le lundi, on y revient le mardi. Et quand c'est ça ce qui est bien mardi, avec cette émission. On y revient le mercredi. Donc, dans une seconde, si tu es d'accord, on va revenir sur les cas un peu de la semaine qui étaient en stand-by. Ah oui, j'aimerais bien. Eh ben voilà, Hervé du nouveau, je vais vous voir revenir Hervé, parce que vous allez changer. Hervé, alors, bonjour. Je viens d'avoir l'assistante que vous avez eue plombier, en ligne avec Gilbert tout à l'heure concernant la plomberie. Alors. En fait, il s'agit, je m'en doutais un petit peu, d'un standard déporté. Ah, oh my God. Donc, la dame a le numéro de téléphone de portable du patron. Elle n'a pas voulu me le donner, mais en revanche, elle m'a promis qu'elle lui donne, elle lui donnait le mien. Donc, il devrait me rappeler d'ici quelques minutes. Ça serait on leur fait confiance, on leur donne 10 minutes, et puis après, on repart. On repart directement chez le plombier. Allez, ça marche. Dans une seconde, je vous donne des nouvelles de ce qui s'est passé hier, avant-hier, depuis lundi, pour cette reprise. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô, patron ? Oui, quoi encore ? On a un pépin. Chez Lidl, ils ont croqué les prix. Aujourd'hui et demain, le sachet de 2 kilos de pommes bicolores Origine France est à 1,99€. Moins d'un euro le kilo. Moins d'un euro le kilo de pommes bicolores ? Mais c'est infernal. Ah oui, patron, vous avez raison, c'est un prix d'enfer. Fini, oui. Mais patron, je suis paumé, c'est bien vous qui m'avez demandé les prix Lidl. Oui, bah on est mal, hein. On est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 115-150, variété Gala ou Elstar. Jusqu'au 13 septembre, Conforama vous offre des produits vendus à prix coûtant. Alors, on est coûtant on est content. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur Conforama.fr. Intermarché s'engage. Le raisin noir muscat, origine France, le moins cher de France, est à 2,09€ le kilo. Oui, 2,09€ le kilo de raisin, origine France. Mais c'est jusqu'à dimanche. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Variété muscat de Hambourg, catégorie 1. Si vous trouvez un produit identique moins cher ailleurs, Intermarché vous rembourse la différence. Voir modalité sur intermarché.com. Dans le 9h30-11h sur RTL, on ne lâche pas les cas qui ne sont pas réglés. C'est alors, le journal radio. Un cas de banque, Gilbert, voilà ce que nous avait dit, je crois, hier ou avant-hier, Philippe. Ma banque m'a rejeté 17 prélèvements par erreur. Elle reconnaît son erreur. Maintenant, je risque l'interdit bancaire et ma banque ne fait pas grand-chose. Maître Fellono, rappelez en deux mots ce qui s'est passé. Alors, notre auditeur a pris un crédit à la consommation et tous les mois, il remboursait ce crédit grâce à son compte bancaire habituel dans une autre banque. Il avait un prélèvement. Figurez-vous qu'un jour, on lui crédite 12 000 euros sur son compte en banque. Il se dit chouette, mais en fait, c'est peut-être un cadeau empoisonné. Ouais. Eh bien, il avait bien raison. Sa banque avait annulé les prélèvements et donc privé l'organisme de crédit d'être remboursé. L'organisme de crédit a dit, puisque c'est comme ça, je vais devant le tribunal, a obtenu que notre auditeur soit obligé de tout rembourser d'un coup, c'est-à-dire plus de 20 000 euros, et sa propre banque, alors qu'elle reconnaît son erreur, dit « Ah ben, je peux rien faire. » Alors, vous qui mettez les termes américains, là, c'est pas le camping car, c'était chez HSBC. HSBC, man, there's something wrong. Alors, justement, Sarah, bonjour. Bonjour. C'est Johnny, avec mon ami Gilbert. Vous avez eu HSBC parce qu'on avait essayé de les appeler. Quelle est leur position aujourd'hui? Oui, quelle est leur position, Sarah? Il n'y a pas de position, finalement. Je vais vous lire le mail que j'ai sous les yeux. C'est la directrice de la communication qui me dit « La situation de M. Michel est à présent régularisée vis-à-vis de notre banque et sous réserve de vérification d'un dernier élément, nous allons mettre fin à une procédure que nous avons engagée à son encontre. » Bon, là, il n'y a pas de miracle. C'est que lui-même a remboursé une somme, donc ça s'arrête. Ouais. Maintenant, ouais. Sur la demande de crédit, si M. Michel a des demandes complémentaires, c'est-à-dire juste de réparer l'erreur, hein. Moi j'ai bien précisé, nous lui laissons le soin de se rapprocher de son avocat afin qu'il contacte le nôtre. Voilà, donc grosso modo, ça veut pas dire qu'ils lui disent d'aller en justice, ça veut dire allons-y, négocions, prenez un avocat. Mais est-ce qu'il a un avocat d'ailleurs, Philippe? Il est en ligne avec nous, Philippe? Oui, bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour Gilbert. Bonjour Philippe. Philippe, avez-vous un avocat? Oui, moi j'avais pris un avocat, si vous voulez, en mai dernier sur leur conseil, qui m'a coûté une petite fortune, quelques milliers d'euros. Et plusieurs fois, il a contacté l'avocat d'HSBC, qui n'a jamais répondu. Il a même fait un courrier le 21 juin dernier, lui proposant une médiation conventionnelle pour faire les choses bien. Il n'y a jamais répondu. Donc, ce que je vous propose, Philippe, parce que là, HSBC doit écouter. Donc, votre avocat les a contactés en juin. Apparemment, vous me dites qu'il n'y a pas eu de réponse. Je vais vous demander à votre avocat de refaire cette démarche aujourd'hui. Et s'il ne se passe rien, Serge Maître, qui est le grand patron de l'association qui défend les usagers de banque et qui est en ligne avec nous. Serge, est-ce que vous pourrez aider encore une fois un usager et faire les démarches, parce que c'est quand même injuste ce qui lui arrive? Tout à fait. En fait, on se trouve devant des réponses dilatoires. On nous donne le sentiment de gagner du temps, puis c'est tout. Et finalement, il faut quand même rappeler que c'est une réaction affligeante parce que la banque a commis une faute. Et il y a un article du Code civil gros comme ça, hein, l'article 1147, qui énonce que lorsqu'on commet une faute, on doit réparation du préjudice. Alors, quel montant? C'est peut-être là où il faut conseiller à Philippe d'essayer de préciser sa réclamation, ce qu'il entend exiger, demander, et puis ne pas se laisser enfermer dans une sorte de chantage à l'action judiciaire. Derrière, on sent ça. Il y a une juridicisation, c'est l'absence de communication pratiquement. Il ne faut pas céder, et je rappelle à Philippe, puisqu'il a parlé que ça lui avait coûté déjà pas mal, eh bien, que jusqu'à 10 000 euros, les actions se passent devant un petit juge, et qui est quasiment gratuit. Et disons que s'il limitait sa demande de dommages d'intérêt, il y aurait un coût de 80 euros environ pour un huissier. Vous voyez, c'est pas la mer à boire. Et s'il limitait à moins de 4 000, c'est même euros, c'est totalement gratuit. Bon. Donc, je dirais que nous suivons le dossier. Voilà. Là, vous êtes entre les mains, Philippe de la FUB, qui est la meilleure association qui aide les usagers de banque. Absolument. Oui, Gilbert. Et bien justement, super. Serge, bonjour, c'est Gilbert Montagnier. Je voulais vous saluer des initiatives comme les vôtres. Elles sont super, ces associations. C'est important d'avoir des associations. Qu'est-ce qu'on ferait sinon? Comment on fait? Oui, on peut le dire comme ça, Gilbert, parce que ça fait 30 ans qu'on existe, hein, c'est pas rien. Ouais, ouais. 30 ans de bénévolat des uns et des autres, 30 ans d'équipes qui se sont succédées. On a gagné des procès comme pour Philippe ou autre. Il n'y a pas que des procès. On a réussi à aussi convaincre les banques d'écouter leurs clients. Et je peux vous dire qu'en 30 ans, ça a beaucoup évolué parce que aussi on a fait voter des lois en faveur des usagers. C'est nous qui avons rédigé des amendements. Vous donc savez, voilà. Serge, vous qui me racontez ça, et ça m'intéresse énormément. Moi, j'ai mis 20 ans à ramer avec le monde de la banque et maintenant c'est fait pour avoir des distributeurs vocalisés. C'est-à-dire, ce sont les mêmes DAB, mais il y a une prise casque en bas à gauche. Et on a la séquence des informations, on peut vraiment faire ce qu'une personne voyante fait. Oui. Tout ça fait. Gilbert, il y a encore des combats, parce que là-dessus, il y a des banques qui ne donnent pas de relevé de banque en braille. Oui, et donc, on se retrouve devant des situations exécrables. Il y a ceux qui ont des mobilités réduites, les distributeurs sont trop hauts. Exactement, je sais. Il y a de la route. Ouais, merci. Mais on va la faire. Merci Serge. Philippe, vous êtes entre les mains de Serge. J'attends de vos nouvelles, quoi qu'il arrive, même s'il ne se passe rien, semaine prochaine avec Sarah pour faire le point là-dessus. D'accord, Philippe. Merci Serge Maître. Merci la FUB. Écoutez, je crois que ça va bien avancer parce que, honnêtement, quand on a Serge Maître dans les pattes, je peux vous dire que lui, il est la chienne. Sylvie, oui, il est bien. Il faut d'ailleurs savoir que Serge va rendre service à la banque parce qu'en cas d'action, sur le plan judiciaire, il faut savoir que notre auditeur pourra obtenir de lourds dommages et intérêts en vertu de l'article 1147 du Code civil, mais également, il pourra prouver son préjudice certain car si. Malheureusement, il n'arrive pas à obtenir cette négociation, eh bien, la société va continuer à rester en liquidation, ce serait dramatique. Donc, évidemment, ce n'est pas du tout de l'intérêt de la banque de ne pas négocier. Donc, ils vont trouver un accord, j'en suis persuadé. On se rapproche du Money Time, un quart d'heure de la fin, on aura, j'espère, beaucoup de résolutions. Le jeu, faites vite, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour gagner ce superbe iPhone 6S. Bah oui. Quel est le nom du groupe français composé par Jean-Louis Aubert et Louis Bertignac? 3210, touche numéro 2 pour arriver au standard jeu. Puis vous faites 2 pour donner la bonne réponse. Hein. C'est bien sûr téléphone, un titre de téléphone qui vous parle. Lequel? On vous l'a pas dit. Hein. Mais lequel vous préférez, vous, Gilbert, de téléphone? Moi, Un autre monde, il y en a plein, Cendrillon. Enfin, allez, faites-moi Cendrillon. Cendrillon, pour ses 20 ans, et la plus jeune des mamans. Elle va dans son beau camping-car. Camping-car. Eh oui, Cendrillon, Cinderella. Car fait, maintenant, hein. Gilbert, dans toutes ses chansons, c'est une règle d'or. Il doit placer le mot camping-car. Même dans les belles histoires d'amour, il y a toujours un camping-car. Mais oui, d'ailleurs, peut-être il y en aura qui auront un camping-car demain à Liège. Ah oui, il est à Liège en concert. Venez à Liège demain, les fêtes de Wallonie. Moi, je vais y aller. En à Douai, jeudi, vous chantez, évidemment. Non, moi, je vais y aller. Heureusement que vous allez y aller. Et puis d'ici la fin de l'émission, retour du film Star 80, le numéro 2, où Gilbert a un super rôle, il sera bientôt au cinéma. A tout de suite sur RTL. Tu sais Loïc, j'ai eu un déclic. J'ai acheté 30 secondes de pub sur RTL pour ma petite start-up sans avenir, comme tu disais. Et déclic, j'en ai eu un max, j'ai triplé les commandes. Vous aussi communiquez sur RTL, rendez-vous sur radiofacile.fr. Radiofacile.fr. En ce moment, c'est le happy 55e anniversaire Auchan. Anniversaire veut dire cadeau. D'ailleurs, j'ai entendu parler de voitures à gagner. Oh, dis donc, ça m'intéresse. Attends, écoute. Jusqu'au 13 septembre, Auchan fête son anniversaire et met 55 Renault Twingo en jeu. Alors tentez votre chance chez Auchan et dans les magasins à deux pas. 55 Renault Twingo à gagner. Super. Et 10 Renault Twingo de plus sont à gagner dans les magasins Simply Market. Auchan, la vie que j'aime. Jeu gratuit sans obligation d'achat pour l'ensemble des magasins et sites participants. Voir règlement sur Auchan.fr. Happy égale heureux. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Alors on est des fans des musiques des années 80 avec Gilbert et de tous ces groupes. Je sais qu'il aime bien les Cool and the Gang, les Earth, Wind and Fire. Moi, c'est quand même le must, Earth, Wind and Fire. Alors vous êtes sur RTL FM. Absolument. Le plus grand DJ à la mode s'appelle MC Gilbert Montagnier. Mm-hmm. Il est là, il présente son émission, la musique démarre, c'est son émission, c'est parti. Earth, Wind and Fire, man. Earth, Wind and Fire. C'est donc la terre, le vent et le feu. Ils étaient après moi, on a joué dans la même ville, on a joué à Béziers. J'ai voulu faire leur éclairage, je lui ai dit, vous n'avez pas besoin d'éclairagiste. Ils m'ont dit non, je me suis passé. Sur RTL, let's groove. Woo! And you lose. Une alerte sur Earth, Wind & Fire, Let's Groove, et je pense que c'est pour le téléphone Hervé Pouchol, le village qui est coupé de tout avec les trois opérateurs. Pierre, joignez-moi. Eh bien écoutez, je vous avais dit qu'il y avait trois opérateurs qui avaient répondu très rapidement. Oui. Il y a bien entendu Jean-Pierre Galera qui était le premier à nous rappeler. Ah, SFR, je vous le passe. Pierre, SFR. Jean-Pierre, je vous écoute. Alors, la première mission, et merci, hein, parce qu'on perturbe son emploi du temps. Ben oui, il n'a pas que ça à faire ce matin, mais il le fait pour vos auditeurs d'RTL. Vous deviez savoir à qui appartenait ce poteau. Est-ce qu'il est chez vous ou est-ce qu'il est chez un concurrent? Alors, oui, Julien, nous avons regardé. Effectivement, nous n'avons pas d'infrastructure fixe sur la commune de Jouy-du-Bois. D'accord. Donc, puisque le service qui est délivré pour les communications fixes et l'Internet, c'est du DSL, oui. Et que les infrastructures DSL sur cette commune appartiennent à l'opérateur Orange. Donc, ce que je conseille à Monsieur le maire, c'est effectivement, nous n'avons pas du tout d'intervenir sur leurs infrastructures, puisqu'ils en sont propriétaires. Je le redis pour tout le monde, parce que souvent on dit oui, c'est fait, oui, c'est oui. En fait, ils sous-traitent, ils louent les structures, les poteaux, les câbles qui appartiennent, eux, à Orange. Et dans si, ils présent, n'ont pas le droit d'intervenir dessus. Dans ce cas, en tout cas. Dans ce cas présent, dans le cas de la commune, puisque c'est pas le cas de... Bien sûr, il y a des fois où c'est vos structures. Vous êtes bien implanté partout. Exactement. Sûr. Alors, est-ce que le maire est avec nous, Pierre? Vous êtes là? Oui, je vous entends. Première nouvelle, SFR ne peut pas intervenir parce que le poteau n'est pas, comme vous dites, hein, vous l'appelez le poteau, ne leur appartient pas. Par contre, nous avons appelé Orange, Hervé Pouchol. Oui, un retour d'Emmanuel d'Orange qui a contacté tous les services techniques pour avancer sur ce dossier. Il se bat comme un beau diable, il fait son maximum pour avoir une nouvelle d'ici 11h, sinon on attendra lundi. Mais vraiment, ils sont dessus. Voilà, on avance, Pierre, on va faire en sorte que début de semaine, nous ayons du nouveau. De votre côté, Sarah? Énormément de témoignages, Julien, ça vient vraiment dans tous les sens. Alors, nous avons Marielle qui nous dit « Je suis en Ille-et-Vilaine, j'ai le même problème depuis le mois de juillet, je n'y arrive pas ». Nous avons aussi un élu de Romilly-sur-Andelle qui me dit nos administrés vivent un vrai cauchemar, on ne s'en sort pas ». Nous avons Monique, pour le dernier exemple, qui dit que c'est depuis le 22 juillet et que ce serait un problème de raccord et que ce serait à Bouygues, apparemment, d'arranger le problème. Voilà. Ouais, beaucoup de problèmes de téléphone ensemble. En tout cas, j'ai de la chance d'avoir le téléphone. Ouais, effectivement, et qui marche. Ah, celui-ci, on avance. Il faut absolument trouver une solution. Si Orange pouvait nous rappeler dans le dernier quart d'heure dans le Money Time, ça serait fabuleux. On continue d'avancer, monsieur le maire. On se bat pour vous. D'accord, je vous remercie. À tout de suite. Est-ce qu'on a des nouvelles de la plomberie? Ah, la plomberie, non, apparemment ça bloque. Alors la plomberie, on y revient lundi, ça c'est sûr. Le micro d'Hervé, s'il vous plaît. Alors la plomberie, la secrétaire avait promis d'appeler le patron. Peut-être que le patron a un emploi du temps chargé. J'attends toujours son appel. Enfin, on va le faire en chanson, s'il le faut. On va le rappeler en chanson. Prenez votre portable, ce que vous avez sous la main, puis appelez-nous, on n'en peut plus d'attendre. On n'en peut plus d'attendre. Bien joué. On peut plus. Bravo. Oh, mais c'est l'entreprise de dépannage Charles, rue du Rouet à Marseille. 69. Merci d'avoir appelé. Non, il ne faut pas dire le numéro. De toute façon, ça ne sert à rien parce que c'est une domiciliation d'entreprise. Ça ne sert à rien d'y aller, en fait. N'y allez pas. Nous avons Guy qui est en ligne. Bonjour, non, Guy. Mais tu me dis ça comme ça, sans me prévenir, on a Guy. Guy nous a laissé ce message sur RTL. Je suis entrepreneur, une société d'ingénierie m'a fait travailler. J'ai réalisé pour elle une mission d'économie de chantier, mais depuis, j'ai les impayés et j'en ai pour 4770 euros. On défend les particuliers, on défend les artisans. Mais évidemment, ils travaillent, on ne le paie pas. On sent le stress dans la voix de Guy, ça fait de la peine. Bon, on va voir. Guy, bonjour. Oui, bonjour Julien. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Expliquez à Gilbert. Bah oui, parce que moi je viens d'arriver. Racontez-moi. Alors, ce qui m'arrive, c'est que j'ai travaillé pour une grosse société d'ingénierie, mondialement connue, et pour laquelle j'ai fait, pour un de leurs clients, une étude, une économie de chantier. Donc, en fait, c'était une analyse de l'ensemble des devis qui ont été passés, et pour en retirer, effectivement... Guy, pour ne pas compliquer l'affaire, bon, vous avez travaillé, on ne va pas expliquer l'émission, simplement... Donc, j'ai trois factures qui n'ont pas été réglées. Guy, écoutez-moi. J'ai été réglé par une traite, qui n'ont rien payé. Guy, vous allez trop vite. Guy, répondez à mes questions parce que j'interromps souvent, mais c'est pour qu'on comprenne bien, parce que ça ne sert à rien de raconter une histoire que personne ne comprend. Guy, la première question est simple. Est-ce qu'il y a eu un devis? Oui. Voilà, enfin, ce que j'appelle un devis ou ce qui peut être une mission. Voilà. Sachant que l'entreprise vous dit, on va vous faire travailler pour tel prix, ça a été signé, accepté. Tout à fait. Est-ce que le travail était contesté? Du tout. Pas de lettre recommandée, monsieur, vous avez mal bossé, vous n'êtes pas venu, aucune, etc. Aucune, bien au contraire. Troisième question, est-ce qu'il y a eu des factures envoyées? Oui. Le montant total était de 4770 euros. Et rien n'a été payé? rien n'était payé, sauf qu'il m'a envoyé le trait le 22 juin, oui. Et qu'il n'a pas été payé, elle. D'accord. Enfin, quoi qu'il arrive, vous auriez dû déjà être payé. Voilà. Bon, alors, Maître Novakovic, puis Maître Fellono. Oui, bonjour Guy. Effectivement, bonjour. Vous êtes en droit de lancer une procédure devant votre aide de commerce. Il faut agir vite, parce que je vois que quand je consulte le dossier, que vous avez reçu plusieurs mises en demeure qui sont restées infructueuses. Donc, on va tenter de les joindre, mais le mieux, vraiment, dans ces cas-là, je le conseille à tous les éditeurs, c'est de signer en référé. Nous avons une intervention maintenant de Maître Fellono. Oui, en réalité, sur les 5 factures adressées, une seule a été réglée, celle d'avril. La dernière ne sera réglée qu'en début septembre, dans quelques jours. Et ce sont les 3 premières qui font défaut, pour laquelle votre client a fait une traite. Et cette traite, figurez-vous, a été bloquée par la banque. On ne sait pas pourquoi. Aïe, et donc, c'est très paradoxal qu'une société règle en groupé 3 factures si elle contestait. Elle n'aurait même bien pas sûr, fait cette bien sûr, oui. Donc alors, pas de problème sur le fond. Première bonne nouvelle, Gris, comme il y a plusieurs traites qui ne sont pas payées, Gilbert vient de me glisser à l'instant. Bon, j'en prends 2 pour moi, donc ça c'est sympa. Oui, bah bien sûr. Voilà, hein, comme ça on gagne du temps. Merci Gilbert. Dessus, Allez, on va appeler cette société. Il va falloir qu'ils expliquent pourquoi ils ne vous paient pas alors qu'ils vous ont fait travailler. C'est dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Est-ce que je peux prendre quelques secondes simplement pour demander à Gilbert, qui va partir tourner la semaine prochaine, ce fameux Star 80 qui a été un carton pour le premier. Combien de millions d'entrées? Il y en a eu beaucoup. Hein. Ah oui, oui, c'est... On sait plus, mais enfin bon, il y en a eu beaucoup. Et là, il y a le 2, c'est la suite. Ah. Donc les deux producteurs qui sont Anconina et Team Seed sont en galère. On va pas dire pourquoi. On peut pas. Et là, c'est reparti avec toutes les stars des 4 heures. La distribution, on va retrouver encore tous ceux qu'on adorait. Mais évidemment, le Cookie Dingler, Jean-Pierre Savelli, enfin tout le monde. Et ce que je voulais dire, vous croyez, quand vous avez vu le film, le premier Star 80, que les producteurs étaient tirés d'affaire? Ben pas du tout. Parce qu'ils ont été vraiment... Vous verrez. Mais et Gilbert, il y a un super rôle, il ne fait pas que chanter. Vous allez voir, il fait plein de trucs. Allez voir ce film, Star 80. On a la sortie ou pas? Dingue. Pas encore? Oh, si, ça va sortir vers mai, en fait, 2017. Ouais. Et on va venir, évidemment, dans vos villes. Le présenter. Première, bah évidemment. Dans une seconde, c'est Guy. Et nous allons appeler celui qui lui doit de l'argent. Ah, vas-y, Julien. Avec Gilbert. On passe du bon temps. RTL. 9h30, 11h. Yeah. Les invités vous aident. Mm-mm. Les stars sont à votre service. Évidemment, mais nous, on fait tout ce qu'on veut. Oh, baby. Yeah. Yeah. The coming car. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Être surpris dans une situation compromettante, tomber dans la rue, envoyer un sexto à la mauvaise personne, réaliser à 23h que l'on a passé la journée avec un bout de salade entre les dents, nos grands moments de gêne ou l'art de rester digne en toutes circonstances, c'est cet après-midi dès 15h dans On est fait pour s'entendre sur RTL. Aujourd'hui, c'est Antoine de Cannes qui ne revient pas d'avoir des bons à parier offerts. C'est pas vrai! Oh yes! Yes! Yes! Mais oui, Antoine, pour la rentrée, pendant les jours 100% gagnants, votre bon à parier est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Du 2 au 11 septembre, pour tout quintet plus de 6 euros minimum joué sur la course du jour, PMU vous offre un bon à parier d'une valeur de 2, 4 ou 10 euros, valable sur le quintet plus du lendemain. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. J'ai adoré notre premier rendez-vous, Magali. C'est vrai, c'est gentil, Pascal. Je dois t'avouer que j'étais séduite par... L'alerte discount, je dois filer. Aujourd'hui, les 10 croissants pur beurre sont à 2 euros chez Netto. 2 euros! Netto, le discounter qui fait la différence. 500 grammes, soit 4 euros le kilo, offre valable dans les magasins équipés d'un terminal de cuisson. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Appel lancé pour Guy, une société. Grosse société apparemment, je ne connaissais pas parce que c'est très spécialisé, mais c'est une très grosse société. Ça tombe bien. Hein Guy? Oui. D'accord. Tout à fait. Guy a décidé ce matin de ne pas faire de phrases. Il buvait son café en fait. Non, mais bon, je ne sais pas si je dois dire le nom ni... Non, pas le nom, mais c'est une grosse société. C'est une grosse société. Voilà. Allez, c'est parti. Ça sonne. International, bonjour. Bonjour madame. Julien Courbet à l'appareil, nous sommes en direct sur la radio RTL. Ce n'est pas une blague, je suis dans le studio de radio. À mes côtés, mon invité Gilbert Montagnier. Bonjour. Je vous appelle concernant un sous-traitant qui a un impayé, qui galère un peu. Alors est-ce qu'éventuellement nous pourrions avoir le directeur financier ou le chef du service de comptabilité? Oui. C'est Badawi ou monsieur Jozo? Ah, monsieur Jozo, ça serait bien. Ah, vous préférez Jozo? J'aimerais bien. Il préfère Jozo. Voilà. On peut voir monsieur Jozo? Monsieur Jozo. Merci beaucoup. Elle est charmante. Qui est très beau, hein, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas du tout un affreux Jozo. Oh, alors attention. Oh, écoute, ça, c'est pas moi. Gilbert, qu'est-ce que c'est que ces blagues? Attention, monsieur Joso. Au contraire, il est très très bien. Il y a 600 personnes qui travaillent dans cette société. 600. Ouais. On est compte, il est temps d'aller les compter pendant l'appel. On va directement parler à monsieur Joso. Non, mais tu j'espère. Sais, c'est extraordinaire. Joso. Monsieur Joso. Alors, si on n'a pas monsieur Joso, faut repasser par le sondage. Si, si, on va la voir, tu vois. Ben, quatrième sonnerie, ah non, peut-être. Une messagerie à tous les coups. Oh, oh, pourtant, elle était mignonne, cette petite. Ah, bah oui. Donc, vous demandez monsieur Caro de ma part. Monsieur Caro n'est plus là. Voilà, merci Hervé. Bon. Surtout, n'hésitez pas. Caro n'est plus là. Donc, monsieur Caro a perdu l'affaire. Hervé, il a des listings. Oui, je suis, je vois ça. On essaie, monsieur Badawi. On va essayer. Allez, c'est gentil. On y retourne. Merci, mademoiselle. Vous êtes très sympa, en elle tout cas. Là, vraiment. Vraiment, elle est mignonne comme tout. Hein. On essaie. Alors ça, on voit pas, mais on se dit. Si, à la voix, vous arrivez à voir. Vous. Ah oui, oui. C'est incroyable. 26 ans, 1m75, blond. Non, mais attends, lui, il voit que des 1m75, voilà. 26 ans, au garrot. Non, au garrot. Vérifiez. On va lui demander. Vous dites 26 ans, hein. 1m75. Si elle revient, on va mais vérifier. Ne rêve pas, mon tonton. Moi, je dis une stagiaire, elle a moins de 26 ans. Vous dites moins de 26? Ouais. Je sais pas, c'est incroyable. Quelle taille ? Non mais attends, je sais pas. On va lui demander, on va y revenir. Ah non, je vous en prie. Non, si, c'est si, lui demander. Non, mais attendez, c'est pas alors, du cochon. Monsieur Joso ne répond pas, monsieur Badawi non plus. On aime pas. Vous êtes de nouveau revenu à l'accueil. Madame, j'ai une petite question à vous poser, un peu personnelle, je suis désolé. Mais Gilbert me disait qu'à votre voix, vous aviez moins de 25 ans, est-ce le cas ? Oui. Est-ce que vous avez les cheveux bruns ou est-ce que vous êtes blonde ? Non, je suis brune. Brune, non, voilà, donc on s'en doute. Mais en tout cas, vous avez une voix qui dégage bien. Merci beaucoup. Vraiment, ça je vous le dis entre nous deux, comme ça. Parce ceci étant dit, Nicole y a quand n'est même, pas là, donc je peux... Il y a quand même un Guy qui attend pour ses sous. À qui peut-on oui, parler? Est-ce que je peux avoir l'assistante du directeur, s'il vous plaît? Du directeur général? Oui. Ah oui, passez-nous le directeur général. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Bon courage. Merci. On vous aime déjà. On reste en ligne. Hein. Ah ouais. Oui. Allez, c'est parti. L'assistant du directeur. Je vous transfère. Merci. Alors, qui avait raison, du coup, dans les brunes et les blondes et les tailles? Moi, j'étais un peu fou. En tout cas, là. J'avais raison, moins de 25 ans. Oui, ouais, c'est Gilbert qui a gagné, ouais. Parce que alors là, moi, j'étais... Vous me faites une alerte, là voici la petite alerte, dès que vous entendez ça, vous me passez tout de suite une personne de l'entreprise pour que nous négocions. Votre appel a été transféré à une messagerie vocale. Moi je voudrais quand même... Sylvie Malignure. Alors, vous n'est récupérez tout servi, vous me trouvez quelqu'un, c'est le Money Time, il reste un quart d'heure démarrage du Money Time. Attention, tout se joue maintenant, c'est le Money Time. Dans le 9h30-11h sur RTL. Vous vouliez dire Gilbert? Ben je voulais dire Money Time, man, oui. What is it? Parce qu'on n'a qu'un quart d'heure pour tout régler. Nous allons, si vous le voulez bien, maintenant, le temps qu'Hervé nous trouve quelqu'un, revenir sur un cas qui est passé lundi. Lundi, vous n'étiez pas là, Gilbert. Ben non, Dieu seul sait ce que vous faisiez à ce moment-là. Ben je ne pouvais pas. Et il y avait Pascal qui nous avait dit ça. Je suis directrice de publication d'un magazine. Un professionnel nous doit de l'argent. Il a pris des pubs dans le magazine, mais ne paie pas. Et cela dure depuis plus d'un an. On achète des pubs dans le magazine et on ne paie pas les pubs. Attends, plus d'un an, c'est énorme. Pascal, êtes-vous là? Bien. Ça va Pascal, Gilbert vous salue. Bonjour ma petite Pascal. Bonjour Gilbert. Ça fait plaisir, c'est la première fois que je vous vois, c'est cool ça. Ça va bien? Alors, elle est dans un, elle édite un magazine qui est vachement sympa, dans lequel on saura un jour ou l'autre, hein, qui s'appelle Senior Mag. On n'y est pas encore, mais ça arrivera. Si, bah, si, moi je veux bien. Hein, oui, j'attends Gilbert comme montagnier pour lui faire une interview. Ah, d'ailleurs, vous interviewez. Pascal, si vous avez besoin d'un photographe, vous m'appelez, je ferai l'affaire. Tout à fait, je compte sur vous. Alors, je rappelle qu'en fin d'émission, nous avons eu un monsieur Attala, qui était le gérant de la boîte qui vous devait des sous. Est-ce que vous avez des choses à nous annoncer aujourd'hui? Oui, effectivement, j'ai reçu le chèque hier. Donc, ça y est, tout est réglé. Génial. Fantastique, voilà. Ça. Bon, donc, tout va bien alors? Ah ben bien sûr, oui. Au bout d'un an et demi de bras de fer, voilà, en une intervention, vous avez résolu la situation. Et ça, c'est Julien Courbet, ça c'est RTL. Qu'est-ce que voilà, exactement. Donc franchement, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe et merci pour votre mobilisation, votre implication. Enfin voilà, tout va bien. Je suis ravi pour vous. Voilà, une bonne nouvelle. Merci, à bientôt. Wow. Vous voyez, Gilbert, il est content quand on règle les cas. Oui. Et j'adore quand il prend sa voix. Comment elle s'appelle cette voix quand vous montez très haut? La falsetto. La falsetto? Ouais, c'est assez haut. Hein. Ah, moi j'arrive pas à faire la falsetto. J'ai mis des années. Hein. À avoir un bon falsetto? Yeah, baby. Ça, c'est du falsetto, mesdames et messieurs. En direct sur RTL, à tout de suite. La Matmut assure les enfants de l'école à l'université. Quand ils sont enfants, je comprends, ils sont turbulents. Oui, et quand ils sont étudiants, il faut aussi une assurance pour l'appartement. En fait, la Matmut les suit durant toute leur scolarité. Oui, de l'école à l'université. Dans les limites et conditions définies au contrat assurance scolaire et habitation étudiant. Bonne année scolaire avec Carrefour. Alors, il faut 5 stylos billes noires pour Zoé, 2 rouges et 4 verts pour Max et pour Claire que des bleus. Mais t'embête pas maman, chez Carrefour jusqu'à lundi seulement, il y a 50% d'économie sur la carte Carrefour sur le lot de 27 stylos billes cristal. Waouh ! Je te sauve là. Oh, qu'est-ce que je ferais sans toi ? Pour une bonne année scolaire avec Carrefour, jusqu'à lundi, profitez de 50% d'économie sur la carte Carrefour sur de nombreux produits, comme le lot de 27 stylos billes cristal. Pointe moyenne, coloris assorti, modalité sur carrefour.fr. Carrefour. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Sur RTL. Ah ben voilà, on est revenu sur l'antenne. Bah, on est revenu sur l'antenne. Alors, est-ce que sur le cas de Guy, nous aurions notre ami qui n'a pas été payé, qui a sous-traité, Marie? On a essayé tous les numéros, Julien, il faut savoir que tout le monde est en réunion, mais j'ai réussi à avoir donc l'assistante de monsieur Stéphane Robert, qui est le directeur management des projets. Oui, madame. Allô, vous êtes là, madame? Allô, allô? Elle arrive. Elle arrive, mais elle ne veut pas nous parler. Allô? Oui. Oui, bonjour madame, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Alors, rien de grave, ne vous inquiétez pas, mais là il y a quand même un monsieur qui a travaillé pour vous, une boîte, et qui a des problèmes d'impayés. Alors je suppose que c'est notre un petit couac de communication, mais il faudrait vraiment l'aider parce que ça traîne un petit peu et on arrive à voir personne. Alors, mais monsieur, écoutez, madame, rappelez dans l'après-midi, parce que là il y a une réunion... Il y a une réunion globale. Bonjour, c'est Gilbert Montagné, mais on comprend. Oui, qui est mon invité. On comprend, mais on va y arriver. Vous pouvez leur laisser un petit message, vous leur dites qu'on les appelle cet après-midi, comme ça on règle ça pour lundi. Alors, c'est auquel que vous voulez parler de ces messieurs? C'est celui qui paie. Celui que vous voulez. Le top top. Moi, celui qui fait qui doit payer les traites qui n'ont pas été payées. Il y a une traite qui a été refusée par la banque. C'est pour qui? C'est pour quelle entreprise? Alors, quel est le nom de votre société, Guy? GB Conseil. G comme Gilbert, voilà, et B comme bonbon. D'accord. Voilà. Et donc ça serait. Vous savez, vous êtes sur l'antenne en direct. Hein. Oui, mais je vais vous donner tout ça en antenne, le nom du monsieur, etc. Et comme ça, on se cale un rendez-vous téléphonique pour lundi. Vous verrez avec eux, mais oui. je leur enverrai un petit mail. Vous ça marche pas. Ah oui, envoyez-leur un petit mail. Ouais. Ça marche, d'accord. On fait ça, je vous donne tout ça hors antenne. Guy, on revient sur le cas Sarah s'en occupe pour avoir un rendez-vous en direct lundi pour vous avec la société. Ça. Oui, je crois aussi. Ça va le faire. Ça. OG International, OGER. Ouais, bien. Écoutez, on s'en est pas trop mal sorti dans l'histoire. On attend encore, là, du nouveau. Tout peut se passer dans les 10 minutes. On va faire gagner le téléphone dans une seconde, mon Gilbert. Bien sûr, on va le faire gagner, le 6S. Vous faites comme vous voulez, mais celui qui ne va pas demain à Liège, il a rien compris. Il y a Gilbert Montagné qui joue. C'est en plein air demain? Ah oui, en plein air. Énorme. Il va y avoir beaucoup de monde à Liège. Musicien, fête de Wallonie. En plus, ils aiment bien faire la fête, les Belges. C'est marrant parce que le plus je vais dans ma carrière, donc ça fait 45 ans que j'ai l'honneur d'avoir le public, et plus je vais, plus j'aime la scène. J'adore ça. C'est là que ça se passe, en fait. Ouais. Hein, c'est quand même mieux qu'un studio. Même si le studio, ça peut être agréable, mais là, ils sont là, on les entend, on les sent, on les... En parlant de studio, je vais vraiment bientôt faire l'album. Ça fait longtemps à nouveau pas. Ah bah oui, non, ça serait temps quand même. Ah, ouais. Bon, et à Douai, c'est jeudi prochain. Absolument. Elle nous vient de Toulouse, je crois. Il me semble que c'est Jane, elle est de Toulouse, Jane, ou pas? Il me semble aussi. Ah oui, c'est bien ça. Elle a beaucoup de talent. Baby, come. Come now, we love you forever. s'appelle Jane. Elle chante comme. Elle l'a bien dit, le comme. Hein. Alors, il y avait un téléphone à gagner, mon Gilbert. Il est grand temps de savoir qui a gagné. Mais on n'en peut plus d'attendre, tu veux dire. La Paul, le 6S. Oui. Nous appelons maintenant, nous allons voir si une heureuse, un heureux est en ligne. Il ne le sait pas. Tiens, d'ailleurs, c'est vous directement. Moi, j'y suis pour rien. Vous dites que vous appelez pour faire du démarchage pour votre nouvel album. Ah non. Allô? Allô? Allô, oui, bonjour. Ouais, bonjour. Qu'est-ce que c'est votre prénom? Quel est votre prénom? Jean-Marc. Salut mon Jean-Marc, c'est Gilbert Montagnier, ça va bien? Ah, bonjour, oui, ça va. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Non mais alors, vous avez joué alors, vous avez joué? Oui, j'ai joué. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait comme choix? Qu'est-ce que vous avez pris comme choix? J'ai joué pour le téléphone iPhone 6, là. Oui, non, ça c'est bien. Vous aimeriez le gagner, cet iPhone 6, c'est bien. Ah ben... C'est pas évident, parce qu'il y a plusieurs sans doute sélectionnés. Et surtout et Gilbert, ce qui vous dit pas, demandez-lui avec quoi il téléphone actuellement. Ben oui, qu'est-ce que vous avez à la main, c'est un fixe c'est un... J'ai un Android, je sais plus trop, un Galaxy X, c'est de Samsung. Et ben, comme ça, vous avec, allez en avoir. Avec l'écran tout cassé. Vous allez en avoir. Oui, avec l'écran tout cassé, ah, oui. Voilà. Eh bien, on a une bonne nouvelle. Vous êtes évidemment avec nous sur l'antenne d'RTL. Vous avez gagné. Oh, un iPhone 6S d'une valeur de 860 euros. Le plus puissant, le plus fin, le plus économe. Merveille de technologie, c'est le plus bel appareil d'iPhone de chez Apple. Sexy à toucher. Oh, je suis vraiment content. C'est super. Voilà, vous avez des enfants? Merci RTL, oui. Mais ils sont plus à la maison. Ah, ils sont plus, non, ils sont grands, ils ont 30 et 32 ans. Mais vous ans, êtes de quelle région? Vous êtes d'où? Alors, on est français, c'est le pays de Ray qu'on appelle, entre Nantes et Saint-Nazaire, au sud de la Loire. Alors, les galettes au sarrasin, vous savez faire ça, vous, non? Moi-même, non, mais vous connaissez. Oui, j'aime bien. Ah ouais, j'aime ça mange bien. Bien. Et alors, qu'est-ce que vous faites de la vie, Jean-Marc? Eh ben, moi, on élève des vaches laitières. Vous voyez? Tout mon respect, oui, monsieur. C'est vraiment, alors, en ce moment, on en parle beaucoup. Bah, oui. Tout mon respect. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites. Ce qui me ferait plaisir, c'est que vous me preniez une belle photo avec votre iPhone 6 d'une belle vache laitière, dès que vous l'avez reçue. Et vous me l'envoyez. Sans souci. D'accord. Sans souci, pas de problème. Merci beaucoup d'être fidèle à RTL. Bonjour à la vache pour moi. Merci, RTL. Et si un beau bal, appelez-le Gilbert. Voilà. Le prochain qui naît. D'accord. À bientôt. J'y manquerai pas. Merci. Allez, là, j'ai un petit veau qui s'appelle Gilbert. C'est vrai? Oui. Chez vous? Dans l'Allier. Dans la maison de campagne? J'ai un ami, ouais. Il est tout seul, il est avec sa maman, il est... Non, c'est le ch'tivio, qui s'appelle Gilbert, oui. C'est un ami qui a une des veaux. Ah, nous avons une alerte. Qu'est-ce que c'est? Alors là. Sur quel dossier? Alors, nous allons revenir sur le cas de Guy. J'ai des nouvelles d'Orange. Est-ce que vous voulez que je vous en parle tout de suite? Bah, évidemment, on rappelle quand même, puisqu'on est dans la Minute Info, qu'un village entier privé de téléphone, c'est un appel à l'aide qu'a envoyé un auditeur. Allez-y. Alors, le service technique d'Orange vient de me rappeler. Oui. Pour l'instant, ils sont toujours en train de rechercher la panne concernant les téléphones fixes. Concernant les téléphones mobiles, eh bien, ça a été clôturé le 29 août. Ils ont laissé un message au maire. Donc, il faudrait que le maire rappelle d'urgence l'agent local. Ben oui, mais ça sert à rien de laisser un message si ça fonctionne toujours pas. Ils peuvent laisser tous les messages qu'ils veulent. Hors antenne, on s'occupe de faire la connexion entre le maire et Orange. Le fixe, ils sont en train de réparer. Pour le mobile, ça devrait marcher, alors. Voilà, ça devrait marcher. Ils attendent simplement une confirmation du service. Qui est en ligne, le maire? Oui, monsieur le maire, vous êtes là? Donc, apparemment. Je suis toujours là. Orange est sur le fixe. Il faut rappeler le local pour le portable. On va s'occuper de ça hors antenne pour vous avec Sarah. D'accord. Okay. Mais ça ne fonctionne toujours pas. Ah oui, voilà, c'est ça que je retiens. Non, ça ne fonctionne pas à 10h57. L'objectif, c'est que lundi, tout le monde ait le téléphone. Oui, mais. Bon. D'accord? Oui, d'accord. On fait comme ça. Si lundi, on n'a pas le téléphone, on rappelle Orange. Je leur dis, ça ne marche toujours pas. Non, aujourd'hui, ça ne fonctionne toujours pas. J'ai bien compris. Et est-ce que, hors antenne, je pourrais vous dire quelque chose d'autre? Mais je suis marié, je vous l'ai dit, monsieur le maire. On en a déjà parlé. Oui, bien sûr. On va vous prendre hors antenne, vous allez pouvoir expliquer ça. D'accord, je vous remercie. Merci mon Pierre, beaucoup. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end. Et je vous remercie, à vous aussi. Okay. Allez, rapidement Hervé. Et nous avons reçu un autre appel d'un autre maire qui a un problème avec sa affaire. Nous allons, si vous le voulez bien, maintenant rappeler que le robinet, là pour l'instant c'est fiasco, j'assume, mais on va se battre. Lundi on y revient, on revient là, on se reprise. Oui, l'entreprise Charles là, rue du Roux à Marseille, il y a eu un robinet placé à 1000 euros. Pas bien ça. L'entrepreneur, lui, c'est lundi qu'on va le retrouver pour qu'il soit payé du travail qu'il a fait. Mesdames et messieurs, je demande à tout le studio maintenant de faire une ovation au grand Gilbert. Oh, je m'y attendais pas. C'était un, mais plus qu'un plaisir de l'avoir. À Liège, demain en concert, jeudi à Douai. Le coffret avec tout son intégral vidéo audio est sorti, il s'appelle Par Amour, et en juin dans Star 80 numéro 2. Oh, quelle année pour le Gilbert, quelle année. À tout de suite, on va redire un petit coucou, peut-être, on aura peut-être pas le temps, mais on va faire un petit coucou maintenant à Stéphane Bern, parce qu'il va arriver dans quelques instants. Oui, alors. À tout de suite. Chez Intermarché, c'est reparti pour un tour avec le carburant à prix coûtant pour une rentrée qui roule aujourd'hui et demain. Le carburant à prix coûtant, c'est chez Intermarché. Dépêchez-vous! Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité et magasins participants sur intermarché.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Merci Maître Noakovitch, notre avocate pénaliste, la meilleure de France. Qui était là. On l'aime beaucoup. Oh, merci à Maître Fellonneau aussi, Gilbert. On l'adore. Et à Hervé Pouchon, du Sud-Ouest. Hervé Pouchon, il n'y a pas de problème. Et toutes les équipes d'Alain Hazard. Gilbert, gros MERDE pour toute cette saison qui va être extraordinaire pour toi. Et c'était un vrai plaisir. Merci pour les auditeurs et pour tout ce que tu fais pour eux. Mesdames et messieurs, passez un bon week-end. Sachez qu'on sera là à 9h30. Lundi, vous avez choisi RTL. Oh, mais quelle ambiance, Et à la seconde près, il est 11h. Et moi, j'ai le grand plaisir de vous dire que c'est encore notre Marie Guerrier qui va présenter le journal. Rebonjour, rebonjour à tous. Samsung confirme la suspension des ventes de son smartphone Galaxy Note 7. Il devait être mis en vente aujourd'hui en France, mais le constructeur sud-coréen a des doutes sur les batteries de l'appareil. Le smartphone est déjà commercialisé dans les pays d'Asie depuis 2 semaines et des batteries ont explosé alors qu'elles étaient en cours de recharge. Les ministres européens de l'agriculture sont réunis au château de Chambord aujourd'hui pour réfléchir à la prochaine politique agricole commune et des agriculteurs manifestent aux portes du domaine. Mener une réunion de crise dans le fastueux château de Chambord, c'est une provocation ou pour le moins une maladresse, déclare le président de la coordination rurale. Les ministres mènent la vie de château quand les agriculteurs sont en train de crever, dénoncent les manifestants. De son côté, la Confédération paysanne a préféré mobiliser ses troupes à quelques kilomètres de là devant la préfecture de Blois pour une distribution de lait. Dans l'actualité du jour, il y a la baisse d'impôts pour les ménages en 2017. Elle sera annoncée la semaine prochaine, c'est ce qu'a dit ce matin sur RTL le secrétaire d'État au budget, Christian Eckert. L'ampleur de la diminution d'impôts jusqu'à présent évoquée tournait autour de 2 milliards d'euros, à condition que la croissance cette année soit supérieure à 1,5% du produit intérieur brut. Alors le gouvernement est en train de refaire ses calculs, parce que pour l'instant, la croissance n'est que de l'ordre d'1,1%. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, se rend cet après-midi à Calais pour rencontrer les commerçants et les élus. Il affirme que le démantèlement de la jungle, le gigantesque camp de migrants, va se poursuivre par étapes, avec la plus grande détermination, dit-il. Le ministre explique que des places d'hébergement seront créées ailleurs en France pour désengorger Calais. Au Gabon, 2 hommes sont morts cette nuit dans de nouveaux affrontements avec les forces de sécurité. La capitale, Libreville, est en proie aux violences depuis la proclamation de la réélection du président sortant, Ali Bongo. Un bus électrique sans conducteur. La ville de Lyon met en service aujourd'hui un service de navette qui sera expérimenté pendant 1 an dans le nouveau quartier de Confluence. 5 arrêts desservis entre l'hôtel de région et la pointe de la Presqu'île sur 1,3 km. Une 15aine de personnes au total peuvent être transportées dans chaque véhicule. La vitesse est limitée à 20 km/h. La navette Arma est équipée de caméras de guidage en stéréovision, de capteurs laser et d'un GPS. RTL vous pose la question, seriez-vous prêt à monter dans un véhicule sans chauffeur? Vous pouvez répondre dès maintenant sur le site internet rtl.fr et puis vous pourrez aussi bien sûr en discuter dans RTL Midi avec Christelle Robière et Vincent Parisot en appelant le 3210. La météo, c'est une journée globalement agréable aujourd'hui, même si le ciel est un peu voilé sur l'ouest. Alors il y a des nuages plus tenaces de la Bretagne jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. En allant vers l'est et le sud, là, c'est le soleil qui s'impose. Il fera cet après-midi de 21 degrés au Havre jusqu'à 34 à Nîmes, 22 prévus à Abbeville, 24 à La Rochelle, 29 à Mulhouse et Aurillac, 30 degrés à Orléans et Dijon, 31 à Clermont et Limoges, 32 à Grenoble et 33 à Agen. Les courses en nocturne à Vincennes, les pronostics de Bernard Glace pour le Quintet. Il vous conseille de jouer aujourd'hui le 5, le 15, le 8, le 6, le 16, le 14, le 13 et le 11. Et dans ce quintet, la dernière minute de Bernard, c'est le 15, Boléro Bleu. Il est 11h03, vous êtes sur RTL avec Stéphane Bern, bien sûr, à la bonne heure. Merci beaucoup Marie Guerrier. Naturellement, on vous retrouve à midi pour un nouveau point sur l'actualité. Et nous retrouvons nos invités pour à la bonne heure. Sur RTL. 11h-12h30, Stéphane Bern, à la bonne heure. Et dans la bonne heure aujourd'hui, nous recevons Fanny Ardant et Bernard Ménès, que je vais vous présenter de façon un peu plus circonstanciée dans un instant. Mais d'abord, je vous présente tous mes petits camarades. À la une avec nous, Marc Giraud. Bonjour Marc. Bonjour à tous, ravi d'être là. On peut le rappeler, vous êtes le spécialiste des animaux en France. Le bestiologue, oui. Voilà, vous viendrez ici tous les vendredis nous raconter des histoires d'animaux et nous dire ce qu'on pourra observer pendant le week-end dans la nature, si on la regarde un peu attentivement. Et aujourd'hui, c'est à Chambord. Ah, c'est une surprise. Ah non, c'est une surprise. Enfin, si vous voulez, hein, on peut faire un petit quiz. Oui. On va écouter son cri et d'accord, on va deviner qui c'est. Ah, très bien. Éric Dussard est avec nous. Bonjour, il s'est musclé pendant tout l'été. Il rêve maintenant de jeux d'aventure. Il nous parlera dans son zapping télé, n'est-ce pas ? Aventure dans tous les sens du terme. Dernière de Koh-Lanta demain soir. D'ailleurs, c'est décidé. Je vous inscris l'an prochain, Stéphane. De Fort Boyard, pardon. Je vous inscris à Fort Boyard l'an prochain. Non, j'ai très peur des. Il y a toujours des bestioles. Mais justement. Des araignées, des choses comme ça. J'ai très envie de faire. J'ai fait 42 fièvres. Ah oui, donc ça se fait bien, Bernard. Vous le confirmez, même quand on a de la fièvre. Ouais,